et pitié. Purifie-nous, Seigneur, et donne-nous la sagesse de comprendre. De comprendre, oh Dieu, et de continuer dans la voie de la sagesse venant du ciel. Oui, Seigneur, afin que nous considérons, oh Dieu, ta bonté et ta sévérité. Oui, afin que nous conservons jalousement tous les trésors que tu nous accordes, Dieu du ciel et de la terre. Nous te le supplions, Père. Nous te le supplions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, relève ton nom au milieu de nous. Relève ton nom au milieu de nous, Dieu du ciel et de la terre. Revêtis ton nom de son autorité, ô Dieu, et de son diadème, afin qu'il soit élevé, afin qu'il rayonne, ô Dieu du ciel et de la terre, afin qu'il soit puissant au milieu de nous comme il doit être, afin qu'en ton nom, Seigneur, nous avons encore accès auprès de toi, accès avec grâce et bénédiction, tel que tu l'as instauré dès le commencement, Dieu du ciel et de la terre. Nous te le supplions, Père. Sans ton nom, ô Dieu, nous ne pouvons combattre. Sans ton nom, nous ne pouvons tenir ferme devant l'ennemi. Sans ton nom, Père, nous n'avons pas accès auprès de toi. Sans ton nom, ô Dieu, les trésors du ciel nous sont privés. Ô Dieu du ciel et de la terre, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de relever ton nom au milieu de nous. Et donne-nous, Seigneur, à le conserver. À comprendre que, ô Dieu, notre vie en dépend de ton nom. Et nous devons garder ton nom, ô Dieu, comme le code de notre trésor. Comme le code, ô Dieu, de notre puissant trésor. Comme le code, ô Dieu, de notre vie. Lui, Père du ciel et de la terre, accorde-nous cette grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais rayonner ton nom, Père. Fais revenir ton nom au milieu de nous. Donne à ton nom la vie qu'elle devrait avoir au milieu de l'Église. La vie qu'elle doit avoir au milieu des justes. La vie qu'elle doit avoir, ô Dieu, au milieu des saints. Nous te le supplions, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Veuillez vous asseoir bien. Donc gardez-vous à l'esprit dans vos prières de prier pour que la personne qui détient une bombe, que ça ne déclenche pas. Quand on prie comme ça, et puis on prie pour les intrusions dans les camps militaires. Les intrusions dans le camp militaire, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc vous allez prier comme ça. Donc si quelqu'un détient une ceinture, une bombe, que ça n'explose pas, comme ça. Donc s'il n'y a pas de questions, on va avancer. On travaille vite comme ça, on rentre vite. Les femmes qui avaient, vous qui avez les enfants, là, contrôlez les enfants pour que les enfants ne dérangent pas. Quand un enfant dérange, ça trouble toute l'assemblée. Donc quand un enfant est en train de déranger, faites l'effort de contenter l'enfant pour savoir pourquoi l'enfant est en train de pleurer. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes comme les Éthiopiens. Comment vous êtes comme ça, comme les Éthiopiens? Eh, bien-aimés. Les conducteurs ne sourient pas parce qu'ils disent jusqu'au 3. On va continuer jusqu'au 3. Et maintenant, moi, j'ai commencé depuis le premier. Ça veut dire que si vous dites que vous avancez jusqu'au premier, vous allez vous fâcher ici. Donc, depuis le premier, avant que vous, les 10, on est ensemble et on va aller jusqu'au 3. On va continuer. Donc, les conducteurs, je vous attends à la maison. J'ai vu la vision et ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver. J'ai vu la vision, je vous attends à la maison. Ça, c'est un repas qu'on va faire. Ça. On va faire ça en secret. Ça ne concerne pas les gens. Les gens qui aiment trop entendre des choses là, ça sera entre nous seulement. Donc je vous attends à la maison dans le trois. On travaille. Venez très tôt. Le frère de Nassim également. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Vous avez des choses de la part du Seigneur, des recommandations, des exhortations, des révélations ou des visions que Dieu vous a montrées durant ce moment. On partage et puis on avance. Mais faites attention à soi cet enfant. Comme elle a côté son père, tu as à côté son père. Parce que fais-le, fais-le s'asseoir. Bébé, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Vous voyez que quand on vient tôt comme ça, on travaille vite, on finit vite aussi tôt, n'est-ce pas? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on entre dans la parole, on voit ce que le Saint-Esprit va nous conduire encore à faire aujourd'hui. Le jeûne, ça se passe bien, n'est-ce pas? Comment se passe votre jeûne? Avez-vous des difficultés? Vos attaques sont sur moi, n'est-ce pas? Donc, ils vous laissent. Mais vous allez être instruit. Vous allez être instruit. C'est-à-dire que même si ce n'est pas moi, vous allumez le feu. Amen. On ne peut pas faire autrement. Vous allez être instruit, n'est-ce pas, frère? Donc, je vous aime. S'il n'y a pas de questions, si je vous dis à la Bible, ne posez pas de questions. Oui, mon cher. En Jean 5, verset 20, oui. Je veux savoir de quoi il est question là. Il parle de. Comment? Ceux qui auront, il parle d'abord de la voix qu'il va entendre. Les ceux qui auront fait du bien vont sortir. Ils seront justifiés. Vérifiez donc d'abord ce qu'il a dit. Vous me regardez comme ça, comme le poupée Barbie. Pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de bruit. Vous ne pouvez pas permettre aux enfants d'aller à la cuisine alors qu'il y a des choses qui chauffent à la cuisine. Vous avez besoin de quelque chose, dites, on vous amène ça comme ça, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez brûler un enfant là-bas. Après, on va dire qu'on avait dit que les gens qui sont dans les maisons à Oula ne sont pas sérieux. Et vous qui êtes dehors, suivez de temps en temps les motos de frères qui sont en bas. Donc, Jean chapitre 5, verset 24, 25 d'abord, il dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en moi, à la vie éternelle, ne vient pas en jugement. C'est là où ça commence. Ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez? Puis il dit, ne vous étonnez pas de ce qu'il dit ces choses, parce que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui seront dans le sépulcre sortiront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Or, souvenez-vous donc maintenant que le jugement n'est pas fait pour les chrétiens, parce qu'ils sont déjà jugés. Je ne sais pas si vous savez ça de la Bible. Vous suivez? Le jugement n'est pas fait pour les chrétiens parce qu'ils sont déjà jugés. On ne juge pas quelqu'un deux fois pour la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Un chrétien ne passera plus en jugement parce qu'il a été déjà jugé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le jugement qui nous donne maintenant la paix est tombé sur le Seigneur Jésus. Et c'est par ses meurtres-ci que nous sommes guéris. N'est-ce pas? Donc ça suppose donc que Dieu sur la terre. Enfin, si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple du Seigneur Jésus-Christ, il va user de ses moyens pour te corriger ici, afin que nous ne tombons pas avec les autres. C'est ce que la Bible dit, non? Donc Dieu fait cela afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est-à-dire que vous forniquez, le monde fornique, Dieu va s'arranger à ce que ta fornication s'arrête là quelque part. Pour que plus tard, puisqu'il va juger les fornicateurs, que tu ne sois pas parmi les fornicateurs. Sinon, il ne pourra pas juger les fornicateurs. Et le délaisser tranquille. Vous comprenez ça? Donc, le jugement de Dieu sera juste pour les mondains. Le jugement de Dieu sera juste pour les mondains parce que, je crois, vous serez ici comme le poisson là. Pourtant, vous traversez, il y a des choses là-bas. Tu as peut-être t'asseoir là-bas, les femmes. Hein, frère? Ben voilà, voilà une chaise là. Je crois que c'est pour la maman qui en a de préparer la bouillie. Le jugement du Seigneur sera juste. Il dit ceux qui auront fait le bien pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la mort, la condamnation. Mais maintenant, souvenez-vous, on va parler de ce jugement-ci. Notez cela avec Matthieu chapitre 25. Dieu, le jour permettra, on va parler du jugement. Comme par exemple, vous dites des vérités aux gens, on dit qu'il ne faut pas juger les gens. On va parler de tout cela. Donc, les chrétiens ne seront plus jugés. Le tribunal des chrétiens, le tribunal que les chrétiens vont faire face. Vous suivez? Le tribunal que les chrétiens vont faire face au tribunal pour la récompense. C'est pour ça, comprenez? Oui, frère. C'est pour ça qu'on appelle le jugement des récompenses. Des récompenses, c'est ce que ça nous dit. Donc, ce qui va faire de telle enseigne que vous avez intérêt à travailler pour le Seigneur sur la terre. Vous avez, quand on dit, non, le Seigneur me donnera, je suis sûr que le Seigneur me donnera cette couronne-là, le jour-là, mais non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul sait que le Seigneur va lui donner. Il a travaillé à juste titre pour mériter le prix de la récompense, de l'appel. Donc, il faut qu'on travaille pour le Seigneur. On va voir cela. Donc, le chrétien ne passe pas en jugement pour dire... C'est pour ça que vous comprenez. Si vous comprenez ces choses, vous allez voir pourquoi les gens ont peur dans le monde. Les gens ont peur d'aller en enfer. Que, comme ils sont comme ça, je ne sais pas si je vais aller en enfer. Je ne sais pas si oui ou non je vais aller en enfer. Non, les enfants du Seigneur ne vont pas en enfer. Parce qu'il n'a pas créé l'enfer pour eux. Il a créé l'enfer pour les, pour Satan et ses acolytes. Donc, aucun des enfants du Seigneur ne se retrouvera en enfer. Et inversement, aucun des enfants du diable ne se trouvera au paradis. Maintenant, ça peut choquer comme ça peut choquer, mais c'est la vérité, la pure vérité. Vous voyez, d'un certain sens, c'est ça qui fait que, vous voyez, les témoins de Jéhovah ont raison, d'un certain sens. Ils disent qu'un Dieu d'amour ne peut pas créer un lieu qui brûle pour ses enfants. C'est normal, il n'a pas créé ce lieu pour ses enfants, donc aucun de ses enfants n'ira là-bas. Mais le problème, c'est qu'il a créé ça justement pour les gens qui ne sont pas ses enfants. Les impies. Autre question. Donc, souvenez-vous, j'ai dit, dans vos prières, priez pour que cet appareil-là ne fonctionne pas, que ça ne fait pas le blast. Brah. Et puis deux, l'intrusion dans le camp militaire. C'est tout. Je vous ai dit qu'il ne parlerait plus de ce pays-ci. On va se mettre ça dans la prière comme ça. On prie. Ça bavarde, ça saccage, n'importe où ça saccage. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on avance. Donc, ceux qui sont en train de déjeuner conformément à la recommandation, le 31, on va se réunir encore ici à 18h, on va prier. On va seulement prier et voir ce que le Seigneur fera. Uniquement ceux qui sont en train de déjeuner. Ne venez pas si vous n'avez pas jeûné conformément. Il est uniquement ceux qui sont en train de déjeuner. Donc, c'est la réunion seulement pour ceux qui sont en train de déjeuner en conformément, le 31. Ce n'est pas le 31, c'est quel jour, je ne sais pas comment. Le 31, je ne sais pas quel jour cela est, mais le 31, sous nous. Jeudi, donc jeudi, on se retrouve là. 18h, à partir de 18h, on travaille. On vient pour la prière. Il n'y a pas de questions. Et souvenez-vous encore, si vous en êtes déjeuné, que vous l'admettez ou non, le Seigneur vous a porté de l'état zéro où vous étiez dans votre vie spirituelle et vous a amené à un niveau supérieur. De telle à ce que maintenant, vous devez vous bâtir à partir de là. Ne décroissez pas. Ne dégringolez pas. Un niveau, Dieu vous a amené d'un niveau à un autre. Vous descendez, vous aurez des problèmes. Parce que vous ne savez pas sur quoi on s'est levé. Donc, s'il n'y a pas de questions, on entre dans la Bible. On prend deux ou trois passages selon que Dieu nous dirige et on travaille. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Hébreux. Merci Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Le livre d'Hébreux. Donc, Dieu voulant, je ne serai pas long et puis on va parler, puis on va prier encore. Hébreux chapitre 3. Prenons les versets 12 à 14. Vous êtes avec moi. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14, je vais lire. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres une fois par semaine. Chaque jour. C'est ce qui est écrit, frère. Chaque jour. Dans ta version, c'est quoi? Chaque jour. Chez toi aussi, frère. Chaque jour. C'est pas une fois par semaine par là-bas. Hein? Comment tu lis, frère? C'est pas. C'est écrit quoi? Chaque jour. Chaque jour. Chez qui? Vous tous, c'est chaque jour. Mm-hmm. Eh bien, dans ce cas, comment ma version a une fois par semaine? C'est une fausse version. Ok, donc. Donc, prenez garde, verset 12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Vous savez, c'est le français, ça se dit là, il n'y a pas besoin d'interprétation ici. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, vous y êtes, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Le Saint-Esprit met en garde le fait que quelqu'un au milieu de nous, que son cœur ne change autrement et qu'il ne s'éloigne de Dieu vivant. Puis il dit qu'il s'éloigne comme ça. Et chapitre 2, allons, chapitre 2, verset 2, les deux premiers versets. Puis il dit, si on s'éloigne de cette façon-là, le cœur va s'endurcir dans le péché. Ça veut donc dire que tu vas commencer à pécher sans t'en rendre compte. Tu vas fermer la voie du Saint-Esprit. Les avertissements, tu n'en comprendras pas. Mais ça ne veut pas dire que les versets bibliques, tu vas oublier. Parce que Satan cite les versets bibliques. C'est ça qui est terrible. Quelqu'un croit peut-être que si tu pêches, Dieu va effacer tous les versets bibliques, la connaissance biblique que tu avais, il n'effacera pas. Puisque les pécheurs qui sont dehors, ils leur donnent toujours le talent de jouer à la musique. Ils jouent la musique pour Satan, ils font toutes ces choses. Les filles qui sont belles, ils continuent à leur donner le côté pour qu'ils séduisent davantage les hommes. Vous voyez cela? Donc il dit que les gens ne se séduisent pas dans le péché, dans l'endurcissement du péché. Si cette étape-ci arrive, alors le Saint-Esprit a averti une, deux, trois fois. Si tu le fais, avançons ici, regardons le chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Vous avez vu ce qui est écrit? Les choses que nous avons entendues, nous devons davantage nous y attacher. C'est pour ça que la semaine dernière, ici, je ne sais pas quel jour, j'ai dit ici que c'est un piège que d'après le 31, vous dites, le jeûne est terminé, donc je peux recommencer. C'est un piège, c'est une chose terrible. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est comme vous avez poussé dans les écarts. On entre dans un couloir où le couloir est formé de Christ. On doit marcher dans ce couloir-là, marcher. On ne stagne pas, on marche. Quand nous nous trouvons dans le couloir de Christ, on marche, on avance, étant dans ce couloir. Suivez, frère. Il dit que c'est pourquoi nous devons d'autant plus, encore davantage. Nous devons encore davantage nous attacher à ce que nous avons entendu de peur. Il dit, si nous on ne fait pas ça, on sera éloigné, égaré. On va aller loin d'elle. Et si on va loin d'elle, on retrouve dans ce qu'il a dit. C'est que l'apôtre Paul a dit au chapitre 3, verset 16, qu'on on fuit Dieu, on va s'endurcir dans le péché. On va aller avec le reste de Amen. Le reste des cas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est ça la conséquence même des fils qui sont connus par leur nature. Parce que c'est pour ça qu'il a dit que car nous sommes devenus participants de la nature de Christ. Donc, nous avons touché Christ. Et la dernière fois, nous avons lu ici dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pied vivant. N'est-ce pas? C'est pas ça, mes frères? Donc, une partie de Christ, ça, la parole que vous avez écoutée et qui se trouve en vous, c'est Christ. La parole que vous avez écoutée et qui est entrée en vous, c'est Christ. Et Dieu vous avez goûté dans cela, il dit, attachez-vous à ce que vous avez entendu de peur de vous éloigner loin d'elle. Sinon, vous serez exactement comme ce personnage que l'apôtre Jacques décrit, qui regarde dans le miroir, s'en va, oublie aussitôt comment il s'est regardé. C'est-à-dire que j'écoute une prédication, je vais, je ne me mets pas à l'œuvre, à la méditer, afin que les paroles puissent pénétrer mon âme et nettoyer dans mon âme les choses pour lesquelles c'est sorti. La Bible dit, au verset 2 du chapitre 2 de ces Hébreux, que si la parole qui avait été annoncée par les anges a eu son effet, et si toute désobéissance a eu une juste rétribution, comment peut faire raison? Nous nous éloignons de ce salut qui, d'abord annoncé par le Seigneur lui-même, a été confirmé par ceux qui ont été témoins avec lui. Dieu appuyant leur témoignage par des prodiges et des divins miracles, leur retourné d'opérer. N'est-ce pas, frère? Donc, nous allons encore, sur un autre angle, lister certaines choses qu'il va falloir que nous examinions de notre cœur. Parce qu'il a dit ici, dans ce chapitre 3-là, il a dit, prenez garde, verset 12, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Le cœur ne doit pas être mauvais. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons lu ici dans le livre des Proverbes, il dit les pensées mauvaises sont en abomination à l'Éternel. Vous voyez, celui qui mord les lèvres, celui qui a les pensées perverses, il aide à consommer le péché. Donc le cœur est le problème. Et je vous avais dit que le cœur ne peut pas être neutre. Le cœur doit être entretenu comme un moteur. Vous suivez, n'est-ce pas? Les centrales thermiques qui sont là, c'est parce que ça tourne au fur et à mesure qu'il fait des transignes qu'on est la lumière constamment. Si ça s'arrêtait à un moment donné, la lumière s'arrêterait. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc le cœur tourne à un rythme que nous ne pouvons pas maîtriser. Vous n'avez pas le contrôle sur votre cœur. Il faut que vous l'entreteniez ou bien quelqu'un l'entretienne. Et on l'entretient par la méditation. Ce sur quoi portent tes pensées. C'est pour ça que Satan fait tout et tout pour distraire les gens, afin que c'est la distraction qui soit sur le cœur. Un de ces jours, on est surpris. C'est pour cela que vous comprenez également tout ce qu'on a de fait. Vous allez voir que plus on a de travail dans le nettoyage, plus vous regardez le monde, ça vous semble bizarre quand vous étiez étranger. N'est-ce pas, frère? Justin a dit que si on avance, si vous avancez de la bonne façon dans ce travail-ci, vous allez commencer à voir que, en fait, c'est normalement sur le sentiment des disciples. Vous allez commencer à comprendre qu'ils étaient comme des étrangers sur la terre. Des étrangers. L'extérieur, l'extérieur ne vous est plus familier. Ça suppose donc que votre nature véritable en tant qu'enfant de Dieu est en train de montrer clairement que la nature de l'extérieur n'est pas votre. Mais si vous vous accoutumez au monde, des choses du monde vous collent à la peau de telle enseigne que vous ne voyez pas de mal à cela, vous êtes en mal devant Dieu. Parce que la nature de Christ détesterait ces choses-là. Plus on va s'approcher de Christ dans la lumière, plus vous allez voir les œuvres de ténèbres évidentes et se détacher évidemment de nous. J'ai dit donc, le résultat c'est que quand vous sortez, vous allez voir effectivement que vous êtes étranger. Ça vous semble bizarre, comme si vous avez fait un mois sans voir le dehors. Mais vous avez fait un mois sans... Ça vous semble bizarre les choses qui s'y trouvent. Si vous travaillez de la bonne manière, c'est le signe de la déconnexion. Mais si vous voyez les vrombissements, les brouhaha, les choses, les publicités, les femmes nues au dehors, ça ne vous fait absolument rien. Continuez à travailler. Vous aurez le problème. Alors donc, la Bible nous dit ici qu'il ne faut pas que quelqu'un ait un cœur, un, mauvais, deux, incrédule. Le plus grave de cette histoire-là, ce sera un cœur incrédule. Le cœur mauvais, on peut lui doiter de ces mauvaises choses, comme on va faire là maintenant, Dieu voulant. Mais le cœur incrédule, c'est quelque chose que si vous avez un cœur incrédule, vous ferez mieux de quitter devant le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il repasse là. Je vais m'expliquer. Un cœur incrédule, même si tu recites n'importe quel verset biblique, ça ne peut pas entrer. C'est le pire des péchés là-bas. Il dit l'incrédule, c'est le pire des péchés. Être incrédule. Je ne sais pas si vous comprenez. Être incrédule, c'est le pire des péchés que quelqu'un puisse commettre. Pas l'adultère, non. L'incrédulité. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il ne croit pas au nom du Fils de Dieu. À l'incrédulité, on s'attache maintenant les ramifications de tous les autres péchés qu'on puisse avoir. Donc tous les autres péchés découlent de l'incrédulité. Parce que si je crois Dieu, je ne ferai pas ceci. Si je crois Dieu, je ne ferai pas ceci. Il a dit la preuve de l'amour, c'est que vous gardez mes commandements, par exemple. Vous dites, je l'aime. Vous ne voyez pas comment je lis la Bible chaque jour. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit que ce n'est pas celui qui lit la loi qui est justifié, c'est celui qui met la loi en pratique qui est justifié par elle. De la même façon, il ne suffit pas d'avoir la Bible. D'avoir la même Bible qu'on a lu partout soulignée. Non. Il faut que ça prenne vie. C'est-à-dire, vous êtes devenu participant de la nature divine. Dans ce livre de Pierre, il dit que faites donc tous vos efforts pour joindre, donc pour attacher à cela une autre chose. Cette chose que vous devez faire pour arriver à la statue parfaite de Christ, de telle enseigne que, comme la Bible déclare, on ne soit plus des enfants ballottés à toute doctrine. Vous suivez? Amen. Donc c'est notre responsabilité de travailler dans notre vie chrétienne. Et Dieu, monsieur, il nous a amenés à un niveau donné, dont ne descendez plus. Maintenant que vous arrivez à ce niveau-là, pour ceux donc qui ont le cœur incrédule, vous n'avez qu'une seule façon de faire. Allez jusqu'à ce que Dieu change ce cœur-là. N'écoutez pas la Bible, vous écoutez la Bible, ça vous fait du mal. Si vous ne pouvez même pas croire Dieu, restez en dehors du groupe croyant. Restez en dehors du groupe des croyants jusqu'à ce que Dieu règle le problème. N'essayez pas de dire que si je peux rester en milieu, une prédication me brise le cœur. Ne faites pas cela, ça va vous faire du mal plutôt. C'est ça qui a fait que beaucoup de personnes croient être des chrétiens, croient être des enseignants, parce qu'ils ont cru peut-être qu'ils ont le fait qu'ils sont capables d'expliquer un verset de la Bible et expliquer certaines choses, ça leur donne le droit de prendre la parole, aller enseigner. Ils ne savent pas qu'il faut qu'il y ait une commission, un appel. Vous suivez ça, frère. Amen. Donc, si vous avez le cœur incrédule, comme l'apôtre André dit ici, ce cas-ci, il faut quitter. Aller devant Dieu. Jusqu'à, Seigneur, je ne parviens pas à croire. Ce n'est que lui. Souvenez-vous, c'est lui qui peut ouvrir le cœur. Vous suivez? Sinon, vous allez vous faire du mal. Vous trompez que vous êtes chrétien. Vous trompez. Quand quelqu'un va les gens, chapitre 3, verset 7, dit oui, je connais ce qui est écrit là-bas. Mais ça ne pénétrera jamais. Un cœur incrédule est une bombe à hydrogène. Un cœur incrédule est une bombe à hydrogène. Donc, nous allons commencer à diagnostiquer donc la méchanceté du cœur. Prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais, méchant et incrédule. Regardez ce qu'il écrit là-bas, méchant, incrédule. Je viens d'expliquer l'incrédulité. Au point de se détourner du Dieu vivant. Nous allons examiner donc la méchanceté qui puisse être sur le cœur. Méchanceté qui puisse être sur le cœur. Vous allez les noter un à un avec les versets qui sont à cet appui-là. Donc chaque fois que nous allons lire, vous allez noter ce qui se trouve là-bas. Et ça va permettre donc que vous présentez ces choses-là, ces miroirs-là sur les cœurs. D'accord? On peut commencer. Matthieu, le livre de Matthieu, allez, suis, on va prier. Ça va? Il ne m'est pas permis de parler, donc il te suivait depuis. Comme il t'a attrapé. C'est entre toi et lui, d'accord? Il a des projets, mais il y a des choses qu'il doit devoir saccager par derrière, d'accord, ma chère? Courage. Donc, tout cela, le paquet, elle a depuis. Tu es sous son contrôle, c'est pour ça qu'il ne parle pas depuis. C'est ce qui est plus important. Donc, Matthieu chapitre 15. Livre de Matthieu chapitre 15. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 15, c'est la confrontation entre les pharisiens, les disciples, Seigneur Jésus-Christ et leurs propres disciples au sujet des ablutions, des signes extérieurs du nettoyage. Si vous allez vite, si vous savez ouvrir vite, je vais aussi aller vite. Lisons à partir du verset 16 là rapidement. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vous avez vu ça? Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. C'est que tu ouvres la bouche pour dire à quelqu'un en face. Si ça blesse la personne, ça sort de ton cœur. Comment savoir si oui ou non mon cœur est méchant? Ce n'est pas pour dire que peut-être il refuse de téléphoner à quelqu'un. Vous pouvez donner vos paires de chaussures les plus chères aux gens. Donner vos vies sacrificielles aux gens, mais étant avec un cœur méchant. Donc, regardons. Il dit, c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car, la personne qui a parlé, c'est le Créateur. Car, c'est du cœur que viennent un. Soulignez, vous avez les feuilles notées, mauvaise pensée. Je crois pour le cas des mauvaises pensées, nous en avons fait ici une première partie. Et je crois, c'est lorsque nous voyons ces mauvaises pensées-là que je disais que vous avez un problème si vous ne faites pas, vous ne soumettez pas votre cœur à l'exercice de la méditation. Si vous ne méditez pas, on va méditer pour vous. On va penser à vous donner. Vous comprenez? Dites, je pense, donc je suis. Tu parles. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Soulignez. Notez, voilà le deuxième. Les meurtres. Vous y êtes. Les adultères. Vous notez. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. les calomnies. Notez cela parce que ça, c'est votre miroir, vous allez travailler ça. Si vous voulez vous faire un peu quoi, vous lisez seulement. On va, parce que je vais quitter ici pour aller dans un autre livre pour qu'on complète. On va compléter. La liste sera longue. La liste sera longue. Et si possible, ça ne va pas, je dépose la Bible, je continue à citer. Et je vous cite, je vous donne seulement le verset biblique où ça se trouve. Les calomnies en dernier lieu. Puis notre Seigneur Jésus dit, voilà ce que fait quoi? Vous voyez, tant qu'on n'est pas entré dans la Bible pour savoir ces choses, si l'humanité a des problèmes, je ne sais pas. Vous allez voir quelqu'un qui est là, il travaille, il est un grand monsieur, marié, mais qui roule comme ça là, il voit le... Bon, ne parlons pas de ces choses-là. Donc, il dit, car c'est du cœur que viennent, verset 19 du chapitre 15 de Matthieu, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Vous voyez ça, frère et soeur? On peut avancer? Je vais revenir en détail, Dieu voulant sur cela. Nous sommes en train de faire le diagnostic de cœur mort, de cœur méchant. Conformément à ce qu'il a dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 12 et suivant. Le diagnostic de cœur méchant. Il dit, prenez garde que quelqu'un ait un cœur. Parce que si le cœur est comme ça, à un moment donné, vous allez vous éloigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 2, chapitre 2 nous donne la solution. On s'attache davantage à ce qu'on a écouté. On s'attache davantage. Et si m'attache là-dessus, il dit, mais qu'est-ce qu'on avait dit ici que les mauvaises pensées? Comment faire pour toutes les mauvaises pensées? Je m'attelle à résoudre ce problème-là. C'est ce que Jean-Yves l'a dit. Vous suivez, n'est-ce pas? Éphésiens. Le livre de Éphésiens, chapitre 4 d'abord. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous qui avez décidé donc de marcher sur la voie sainte, sachez que vous avez dit au revoir à ce monde-ci avec ses plaisirs. Vous êtes accroché dans la sainteté parce que le Dieu qui vous appelle est saint. Dans ce cas, soyez donc saints dans toute votre conduite, sachant que celui qui vous a appelé est saint. Il veut les enfants saints. Il nous a appelés les saints. Nous devons faire tout et tout pour mériter le nom des saints dont il nous a accordé. Nous avons décidé de marcher sur une sainte voie, avec une sainte vocation dont il nous a adressé. Et par conséquent, nous devons mériter le nom de saint. C'est pour cela que nous allons sanctifier jour après jour nos voies, nos pensées, notre âme, notre esprit et notre corps. D'accord? Chapitre 4 d'Éphésiens, lisons à partir du verset 25. Puis on va continuer en tombant jusqu'au chapitre 5. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Notez. Ajoutez à la liste de ce que nous avions vu tout à l'heure là. L'autre point. Après les calomnies, nous voyons le mensonge. Il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et remarquez que dans Hébreux, que nous avons lu au chapitre 3, il a dit que nous devons nous exhorter les uns les autres. Donc, ton frère a le devoir en tant que croyant de venir vers toi te reprocher que frère, tu vis mal. Tu dois quitter cette voie-ci. C'est ce que la Bible nous déclare. Exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps que vous entendez encore dire aujourd'hui, afin que quelqu'un n'ait un cœur mauvais pour se détourner du vivant. Donc maintenant, tu vas venir vers ce frère que frère, ne fais plus tes choses. Tu es qui pour me juger? Je suis ton frère. Parce que tu es parti. Peut-être tu es la main, l'autre est le pied. Si tu fais mal, ça va faire mal dans tout le corps. Si tu es malade, le corps est paralysé. Vous savez, les femmes qui font le poisson, là, vous avez déjà eu des piqûres de poissons sous les ongles, n'est-ce pas? Les femmes là, quand vous allez piquer des poissons sur les ongles, vous voyez comment la main est paralysée. La piqûre, souvenez-vous, vous avez même une planche qui vous entre sous l'ongle là. Une petite planche comme ça qui vous entre sous l'ongle. Vous ne pouvez pas travailler tant que vous n'avez pas enlevé cela. Et ainsi en est-il de corps. Et si un membre souffre, tout souffre. Afin que Dieu a mis les membres comme ça pour que les uns soient les uns les autres, n'est-ce pas? Donc il dit le mensonge, il dit et que chacun de nous dise la vérité selon son cœur, car nous sommes membres les uns les autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, soulignez colère et notez la colère. La colère. La colère. La colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Remarquez bien ce que la porte veut dire là maintenant. Quand il martelait là, pour pas en parler. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc la colère conduit au péché. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc si tu te mets en colère, 18h arrive, il faut que tu t'arranges à ce que 18h n'arrive pas avec ton colère. Vous suivez? Amen. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Vous montez, vous descendez, vous avez la nature de Dieu. Vous pouvez être en colère parce que vous êtes les êtres humains. Quand Moïse est descendu de la montagne, on dit qu'il était l'homme le plus patient. Quand il a vu que les gens avaient fait le veau d'or, la Bible déclare que la colère de Moïse s'enflamma. Il a cassé, première réaction, il a cassé le commandement que c'est Dieu lui-même qui a pris son doigt pour écrire. Première réaction de la colère. Le commandement avait quoi voir avec le péché là. Vous avez vu ce que ça, là où ça l'a conduit à faire? La colère. Oh, quand il finit de monter, quand sa colère finit de faire comme ça là, il monte. Il dit que vous avez commis un grand péché. La colère de l'Éternel est grande, il faut qu'il monte voir pour le calmer un peu. Alors que sa colère lui-même, ça l'a pris tout à l'heure, il a cassé le commandement. Il n'y avait personne pour calmer sa colère. Donc la colère, c'est une nature qui est intrinsèque à la nature humaine, parce que liée à Dieu. Mais il y a un style de colère, la colère dont Dieu en est de parler ici, on ne doit pas avoir ceci. Je vais vous expliquer. Donc normalement, la colère est normale dans la nature humaine. Ce que j'en ai dit, ça peut être déroutant, mais c'est obligé, c'est la Bible. C'est ça. La colère qui est liée à l'irritation est dangereuse. La colère qui est liée à l'irritation est dangereuse. Si vous habitez avec quelqu'un et que chaque fois elle est irritée, il y a un problème. Il y a un esprit derrière. Le diable a accès. C'est ce dont je vais parler. Parce que le jour de l'Éternel est appelé jour de colère. Allons dans le livre sur Esaïe 63 là rapidement avant de rentrer. Esaïe 63. Mettez le doigt là dans ces Éphésiens, on va y revenir. Suivez attentivement là. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ ici venant pour tirer vengeance. Nous sommes dans Esaïe 63. Je n'en prends que ce passage-ci là. Pour vous illustrer ce que ça nous dit. Qui est celui qui vient des dômes, de Bosra en vêtements rouges, en habits éclatants? Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. On lui pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Il dit, verset 3, il lui répond que j'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans... C'est Jésus qui parle là. Hein? Je les ai foulés dans... ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est arrivée, est venue. Vous voyez cela? Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8 à 10, la Bible déclare qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. Vous voyez, de rendre affliction à ceux qui vous affligent. Dieu, c'est le premier jaloux et le premier colérique. C'est pour ça qu'il a réservé un jour. Il dit que c'est un jour de vengeance qu'il garde. Il veut vous traiter. Pas de la façon dont l'apôtre Paul en a dit ici dans le livre des... Je ne sais pas si vous me cessez, si vous ne cessez pas, il faut que je change encore de langage. Il y a la colère démoniaque qui pousse à l'homme à la ruine. Il y a la colère de Dieu qui pousse à rétablir les choses dans la voie de Dieu. Il faut que vous fassiez la différence donc. C'est ce que je vous l'ai dit. Apocalypse. Gardons le doigt dans Éphésiens toujours. Apocalypse. Le climat est bien. Il ne fait pas trop chaud, n'est-ce pas? Ça nous permet de travailler. Apocalypse. Vous voyez? Allons-y au chapitre 6 du code d'Apocalypse. Je ne vous vois pas du tout là, mais merci Père pour tout ce que tu es. Allons dans le chapitre 6 d'Apocalypse. Je vais vous montrer seulement quelque chose. Donc, Notez Apocalypse chapitre 6, des versets 9 à 17. Je vais lire quelques versets là. Donc il s'agit de l'ouverture des cinquième sceau ici. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombaient. Si Dieu permet un de ces jours, nous allons prendre un temps de travail seulement dans le livre d'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, on travaille verset après verset. Comme d'autres lisent, ils disent que celui-ci a eu des insomnies, il a mangé le piment, ça l'a chauffé la tête là. Verset 13, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous voyez là où le bien de ce monde, les grands de ce monde, si les généraux avaient les étoiles qu'on appelle, ce qui va leur arriver, non? C'est écrit là, noir et blanc, et c'est ce qui va leur arriver. Tu es général, quand ça va sortir d'en haut, mais le soldat lui ne te protège pas. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, écoutez très attentivement, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc il y a l'agneau est colérique. C'est pour ça que quand il est entré dans le temple, dans ce Matthieu chapitre 22, il allait chicoter les gens là-bas, il chicote. On voit comment il était doux comme ça. Imaginez un petit type, on dit qu'il a renversé tous les temples, tous les changeurs de temples, chicoté, personne ne l'a arrêté comment. Il s'est revêtu de ses forces, comme il fait au jour de combat. Donc il y a la colère de Dieu, il y a la colère venant du diable. C'est pour ça que la colère venant de Dieu ne donne pas accès au diable. C'est la colère suscité par le diable qui vous donne accès. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de mettre en exergue ici. Rentrons dans Éphésiens. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, donc c'est probable qu'on se mette en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc la colère qui te conduit au péché n'est pas une bonne colère. Pensez que quand le Seigneur se fâche comme ça, il envoie le feu comme ça, les chefs militaires furent comme ça là. C'est pas une mauvaise colère pour vous. Pas vrai, frère Achille? Frère Achille, vous savez, frère Achille est étonné de Dieu là. Souvent, frère Achille veut essayer de défendre Dieu que non, Dieu ne se fâche pas de cette façon. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamme. Elle a dit Moïse, qui devant moi, il lui détruit. Il fait de toi une grande nation. Moïse a dit que mon ami, raisonne-toi bien là-bas. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, il vient de dire. Le style de colère qui donne accès au diable, qui peut vous pousser à faire quelque chose dont vous avez regretté plus tard, n'est pas la colère selon Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? Vous pouvez aller dans l'Ancien Testament, voir ceux qui exercent la colère selon Dieu. Vous pouvez voir ça en plein. Vous pouvez voir Finé qui se lève là comme ça. Là. Vous ne pouvez pas aller tuer quelqu'un en rien. Vous ne pouvez pas aller tuer quelqu'un en rien. Vous pouvez voir des personnes qui... Quelqu'un qui construit le mur. Nous avons vu le cas de Néhémie la dernière fois. On a vu Néhémie, n'est-ce pas, chapitre 1. Il vous a demandé de lire chapitre 9. Suivez-le jusqu'à Jérusalem. Lorsqu'il s'en est conçu, il y a un de ces chambres-là qui vient déranger. Là, il a attrapé quelqu'un, vous avez la barbe comme ça, tiré comme ça, le maudit. C'est la bonne colère, ça, pour la cause du Seigneur. Et je ne vais pas dire que vous allez, quelqu'un dit que tu n'y crois pas, tu tapes quelqu'un, tu profites, tu dis que c'est la colère de Dieu. Je suis animé d'une sainte colère. Arrêtez ça. Que non, tu fais comme ça, là. Ma colère, tu es. Comme une soeur disait une fois, elle a dit qu'il a fâché mon Saint-Esprit. Quand elle se fâche, on lui dit que c'est elle qui s'est fâchée, elle dit que c'est son Saint-Esprit qui est fâché. Ah, qu'elle a hérité mon Saint-Esprit. Maintenant, suivez l'apôtre Paul du côté d'Athènes. Lorsqu'il attendait Timothée dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il attendait que Timothée vienne le trouver là-bas à Athènes, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a dit qu'il parcourait la rue, il a vu les idoles, cette ville pleine d'idoles. Remarquons bien ce qui va arriver. Alors, on a Actes des Apôtres, il l'a trouvé là-bas aussi. au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Vous y êtes? Verset 15 jusqu'à 17, je vais lire là rapidement, mais puis avance dans la lecture de ce diagnostic de cœur mauvais. Chapitre 17, verset 15 et suivant. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 15 et suivant. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit quoi? À la vue de cette ville pleine d'idoles. C'est exactement ce que ça doit produire. C'est exactement ce que ça produit dans la vie de ces cinq personnes. Le cas de Phiné, Néhémie, Moïse, c'est ça, c'est ces choses. Vous entendez que la colère de Moïse s'irrita, s'enflamma. C'est ça que l'apôtre Paul a eu. Donc, si vous suivez bien votre cœur, vous avez le style de colère, pas ça se fait comme ça là. Vous dites que si j'attrape, si j'attrape le fer, il va me sentir. Si c'est comme ça, c'est de cette façon que sa colère se vient. C'est une colère qui est dangereuse. D'accord, frère? Vous saisissez, n'est-ce pas? Si vous observez ces choses, c'est la chose que vous devez avoir, c'est ce type de colère que vous devez avoir par rapport au péché. C'est-à-dire qu'en voyant le péché augmenter, vous devez être enflammé de colère en voyant ces choses-là qui arrivent. Vous saisissez? C'est ce style-là qui a conduit Jean-Baptiste jusqu'à sa décapitation. C'est ce style de colère qui l'a conduit. La qualité qu'il ne voit pas, il ne peut pas tolérer parce qu'il n'est pas dénoncé. C'est ça. Pas que tu m'énerves, tu dors, tu détournes, tu ton dos et tu dis derrière, tu m'énerves, je suis en colère, je m'enflamme d'une sainte colère. Ce n'est pas la qualité là-bas. La colère, selon Dieu, conduit les gens à rectifier des vies par rapport à sa voix à lui. Donc il dit donc que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, puis il dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc, la colère est l'un des moyens par excellence que le diable entre. D'accord? C'est 28 maintenant. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Soulignez dérobait. Notez dans l'autre cas là. Nous sommes revenus dans Éphésiens au chapitre 4. J'ai dit, nous allons travailler là-bas jusqu'à ce que nous en sortons. Quand nous allons quitter le livre d'Éphésiens, nous allons aller dans le prochain livre après cela. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous avez vu ça? Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Allons-y. Souvenez. Parole mauvaise de la bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous y êtes? Dans les mauvaises paroles. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, taisez-vous. Fermez votre tuyau d'échappement. Que les choses ne s'échappent pas. Verset suivant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut avancer. Que toute amertume, notez, l'amertume. C'est le miroir avec lequel nous allons rentrer aujourd'hui. Nous allons aller examiner les cœurs pour voir si ces choses se trouvent de façon objective, de façon sérieuse, comme si nous étions devant le Seigneur et qu'il nous les présente. Que toute animosité, puis subitement, une autre encore, toute, vous avez vu, toute colère, toute clameur, toute calomnie, la calomnie on l'a noté dans la première partie, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 15, verset 16 et suivant, on avait la noté cela. Calomnie, on a la noté. Et toute espèce de méchanceté, quoi? Dans le but pour lequel? Le but pour lequel nous allons devant Dieu avec ceci, c'est pour que ça? C'est pour que ça? Donc quelqu'un ne doit pas détenir ces choses-là. Quelqu'un ne doit pas détenir ces choses-là. Donc, au sortir d'ici, on comprendra que personne ici n'acceptera qu'une autre personne vienne lui raconter une chose concernant une autre personne. Nous sommes d'accord? Amen. Tel frère a dit comme ça de toi. Il a dit comme ça de toi. Ne faites pas de telles choses. Ne soyez pas le canal par lequel le diable passe pour diviser. Ne soyez pas le canal par lequel le diable passe pour infester ce poison de division. N'acceptez pas cela. Donc il faut qu'on traite ça une fois pour toutes. Donc le but pour lequel nous allons prendre ces choses pour aller devant Dieu, c'est pour que ça... C'est ce qu'il a dit ici. Donc il dit, et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est le résultat d'un cœur qui est nettoyé. Un cœur qui est nettoyé va commencer à comprendre 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7, que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est parce que j'aime tel cœur que je ne peux pas soupçonner qu'il me fait telle chose. Alors si je l'aime, je ne veux pas entendre que celui-ci me dise que telle personne a dit telle chose. Parce que je l'aime, je ne veux pas que ça crée une distance entre lui et moi. Et par conséquent, lui connaissant le principe du pardon, il est obligé d'aller devant Dieu confesser ça pour arranger ça rapidement. N'est-ce pas? Donc ne soyons pas de ceux qui vont prendre le nom des gens à les rapporter. Parce que le rapporteur, dit la Bible, et celui qui cause des divisions sont en abomination à l'Éternel. C'est ce que la Bible déclare. N'est-ce pas? Celui qui excite des querelles. Quand quelqu'un vient te dire que tu sais, c'est te dit ce que l'autre soeur a dit, hein, tu manges souvent avec lui, hein, maman. Quand il te dit seulement ça, il passe sans te dire même le contenu de ce qu'elle a dit. Quand tu vas voir la personne, qu'est-ce que tu vas faire? Va dire que ma soeur, bonsoir. Ma soeur, comme on est reversé chrétien, bonsoir ma soeur. Comment tu vas? Amen. Dieu règne. Vous voyez, l'hypocrisie commence à s'installer. Qu'est-ce qui se passe? Une personne vient injecter une semence de discorde. Ne permettez pas cela. Ne permettez pas cela. Vous connaissez l'histoire des trois amis de Socrate, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Hein, frère, si tu connais l'histoire des trois amis de Socrate? Au vert. Ok. Donc, le trois amis de Socrate, c'est un philosophe, c'est le philosophe que vous connaissez. Un de ses amis vient lui dire, ton ami que tu considères la vie, il te raconte ce qu'il a dit de toi. Il a dit qu'avant que tu ne dises ce qu'il a dit de moi, il te fait passer dans trois amis. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Il dit, ce que tu veux dire là, tu as vérifié si c'est vrai. Il gratte la tête, dit que j'ai pas vérifié. Il dit, donc, tu veux venir me raconter sur mon ami, c'est que tu n'as pas vérifié. Donc, tu ne sais même pas si c'est vrai. Il dit, ok, deuxième ami, ce que tu veux dire là, est-ce que ce que tu veux dire de mon ami là, c'est bon? Il dit, c'est même pas bon du tout. Donc, non seulement tu ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose qui est bon. Okay, non, il n'y a pas de problème. Okay. Troisième ami, est-ce que c'est utile? Il dit que, gars, c'est catastrophique. Donc, ce n'est même pas utile. Donc, tu viens me raconter une histoire sur mon ami, entre mon ami et moi, qui n'est ni vrai, ni bon, ni utile. À quoi bon les deux de le dire? Il faut seulement être un agent de destruction massive pour pouvoir faire cela. Celui-là a gratté sa tête, il est parti tranquillement. Donc, ne dis pas des choses pour détruire, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, il faut qu'on vérifie. Je suis en train d'installer ceci parce que lorsque des décisions, je vais parler avec les conducteurs, lorsque des décisions seront prises, il ne faudrait pas. Remarquez, Thomas commence à, l'église primitive va commencer. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir, boum, on va commencer à distribuer. Le groupe des femmes des hélénistes ne peut pas se lever d'un commun à cause pour dire. Vous voyez comment on donne plus. On a donné 4 combien kilos de riches chez les Hébreux. 5. Chez toi, combien? 3. C'est parce que nous sommes les hélénistes. Vous voyez? C'est une personne qui constate toujours ça. Elle va y voir avec sa sœur. Tu es quoi, héléniste? Tu es bamiléke, oui. On t'a donné combien de kilos? 5 kilos de riz. Tu as remarqué que chez les Juifs, là, on a donné 8 kilos. Oui, oui. On dit, les nombres de disciples sont mentants. Les femmes veuves, les hélénistes ont commencé à murmurer par rapport à la distribution qui se faisait chaque jour. Alors on a rassemblé la multitude. On a dit qu'il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Vous avez remarqué? Le Saint-Esprit a permis ça à la première église pour montrer que chaque fois qu'il y aura une tâche au milieu de l'église, une situation au milieu de l'église, il faut régler ça au plus tôt, tuer ça au plus tôt. Remarquez que chaque fois, quand ça a été résolu là, ça n'a plus jamais été fait mention. N'est-ce pas, frère? Amen. Mais l'église, de cette époque, trimballe comme ça avec les calomnies. Calomnie. Tu vois ton frère, tu ne peux pas saluer honnêtement parce que ton esprit dit que tu as fauté contre ton frère. Il faut que ça s'arrête. Donc, je t'en ai dit, il faut que ça s'arrête. Comme nous sommes samedi aujourd'hui, que dès aujourd'hui, en sortant d'ici, que ça doit s'arrêter. Cette façon de faire doit s'arrêter. Vous ne devez plus dire, ouvrir la bouche, dire du mal d'un soeur, d'une soeur ou bien d'un frère à une autre personne. D'accord? Amen. Si vous voyez quelqu'un, une soeur a fauté par une autre soeur, allez devant Dieu avec elle. Parlez de Dieu à cette personne-là et parlez de cette personne à Dieu. Dans le secret, laissez Dieu agir. D'accord? Vous me suivez, frère? Ok. Continuons ici, au chapitre 5 de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Une soeur dit, parle avec une autre soeur, elle dit que ma soeur, si tu connais ce que telle a fait, elle entend. En allant dire à l'autre soeur, elle dit que tu connais ce que telle a fait, elle a fait tel ou tel, elle a ajouté deux sur ça. Celle-ci en prenant là-bas, le jour ça tombe maintenant, ça tourne, fait la ronde, ça tombe encore entre les oreilles de la soeur là. On lui dit qu'elle a 17, je lui dis que qui maman, moi, subitement on dit que qui avait dit ça, que c'est tel qui m'a dit, l'autre dit que j'avais seulement dit telle chose. On voit que l'autre avant dit que j'avais seulement dit telle chose et telle chose. Elle se dit, le but de ça c'est quoi la zizanée? Vous allez faire n'importe comment, avec l'esprit humain, vous ne pouvez plus vous aimer de la même façon, et Satan connaît ces choses-ci. N'acceptez pas la semence de la division. Ne permettez pas que vous soyez un canal par lequel les souillures de Satan passent pour souiller les cœurs. D'accord? Amen. Oui. Pourquoi la clameur? Va lire Proverbe, tu vas voir ça avec les femmes qui bavent trop là. Donc, chapitre 5 ici. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est là où on va chuter avec ces prières là. Il s'est livré lui-même, il nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Et la Bible quand on marche de cette façon là, il dit on va sortir par là, cette prière là. On arrive. Verset 13. Que l'impurité, on avait noté ça n'est-ce pas, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ajoutée. Vous voyez que la cupidité a été ajoutée, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous allez prendre des parts de dos dans la Bible, vous prendre le tableau complet de toutes ces choses-là que nous voulons. Vous lisez la Bible tout simplement que non, je connais ces versets, ça ne vous fera rien. J'ai fait toutes ces choses pour que chaque fois que vous allez maintenant, vous allez plutôt pour méditer. Si vous lisez la Bible, ce que j'en ai lu là, dans vos Bibles, c'est déjà souligné. Vous connaissez ces choses-là. Il faut que le Saint-Esprit nous permette de travailler là-dedans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne viendrai jamais ici prêcher quelque chose de nouveau parce que ce qui a été presque qu'on doit prêcher se trouve dans la Bible. C'est dit n'importe quoi, il faut que je montre cela dans la Bible. Ok, donc il dit que la cupidité ne soit même pas nommée parmi ainsi qu'il convient à des saints. Puisque nous avons dit que nous sommes nous sanctifiés, il faut que nous sachions dans les choses que ça ne doit même pas se retrouver. Ce n'est pas ça. Il dit que ça ne soit même pas nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Donc les saints ont un style de vie. Les saints ont un style de vie. Ne soyez pas de ces styles de frères ou ces sœurs. Qui dit, ma soeur, prête-moi l'argent. Il te donne à tel jour, l'autre jour, il parle l'autre jour, je vais te prêter pour donner de ce côté-ci pour équilibrer. Vie de prêt. Non, vivez de la foi, pas de prêt. Et non seulement cela, souvenez-vous de ce qu'on a vu là. Il a dit, travaillez dans vous-même pour avoir de quoi subvenir aux besoins. N'est-ce pas? Voilà. Verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Ni propos insensés. Notez. Dieu voulant qu'on va venir sur le péché de la langue, proprement dit. Dieu voulant, lorsqu'on va venir sur le péché de la langue, proprement, on va parler de ces choses-ci, le péché de la langue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et malheureusement, les actions de grâce, on entend les moins en moins. C'est difficile qu'on rende grâce. Il faut seulement qu'on dise, qui se sente bien, moi, qui ne se sent pas bien, on dit, non, rendez grâce à Dieu du fait que vous ne vous sentez pas bien. L'autre dit, Il dit qu'on a, la Bible dit qu'on entend des actions de grâce. Ce n'est pas une grâce que Dieu nous donne de nous réunir ici maintenant. Il y a des gens qui sont réunis autour du péché, maintenant. Des gens qui souhaiteraient, il y a des gens qui méditent sur leur vie, ils ne savent pas dans quelle direction prendre. Mais vous avez déjà su que la direction de la vie, c'est celui qui a trouvé le Seigneur Jésus. Vous avez déjà su au moins cela. Donc, si vous détourniez, c'est bien fait pour vous. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si ces choses-ci existent, sache que tu as été trompé seulement. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Donc, on laisse le bavardage, les bavardages. Vous savez que ça veut dire que les prédications ne doivent pas se baser sur oh, ceci en grec, ceci en grec, c'est pas ça notre question. La prédication, la vraie que l'évangile veut, souvenez-vous la vie, je veux votre attention. La construction de la vie chrétienne, c'est de prendre les paroles de Christ appliquées dans la vie des êtres humains afin qu'ils marchent conformément à la volonté de Dieu. C'est en cela que consiste l'édification. Vous suivez? Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse prendre la parole comme arme et mouler la vie des gens, transformer un bandit en honnête homme, un soulat en saint homme, une femme qui était une prostituée à une sainte femme. C'est cela le pouvoir du Saint-Esprit par la prédication de le faire. Mais il dit que habillez-vous fraîchement parce que vous êtes le fils du royaume, Comment tu t'habilles en pauvre? Vous vous amusez. Vous en allez de caresser le serpent. Vous avez cassé les dents du cobra. Petit à petit, caressez. Ne vous inquiétez pas. Quand la prochaine dent va pousser, vous allez vous souvenir qu'il y a le poison ici. Ne faites pas cela. Donc la prédication est dirigée dans nos cœurs, dans nos vies, pour mouler nos vies, en nous transformant à l'image que Dieu veut, afin que nous marchions dans sa voie pour hériter son royaume. Chapitre 5, donc nous sommes au verset 6. Il dit verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, vous avez encore vu cela, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Remarquez la façon dont on a ici. Il a parlé ici du peuple saint. Il cite des choses qui ne doivent pas se nommer au milieu. Après, il dit que ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume, n'est-ce pas? Puis il dit que ne vous y trompez pas, qu'on ne vienne pas vous tromper d'aucune manière. Que si tu vis comme ça, c'est pas la grâce, nous sommes sous la grâce, rien ne doit arriver. Il dit, faites attention, parce que c'est à cause des choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Parce qu'ils vivent là-bas, il n'y a personne pour les avertir. Ils ne peuvent pas faire autrement, c'est ça qu'ils vivent, la colère va venir à cause de cela. Et pour que donc, vous ne soyez pas frappés, parce que s'il est cupide, tu es cupide, Dieu est juste, il faut frapper les cupides, tu dois être parmi. Il faut qu'il envoie un enseignement pour te corriger, afin que tu sois droit. Donc vérifiez, examinez votre cœur. Je vais faire tout de suite, que si je quitte cette terre, c'est un de ceux que je me présente devant lui, que ma récompense soit là, m'attendant que j'ai dit exactement ce qui est écrit ici, comme mon grand frère a dit. Donc faites attention, parce qu'il peut vous appeler à tout moment. Ça sera plus dangereux que vous ayez vu comme ça, entendu comme ça, et vous détourner comme il a dit là, sans vous attacher davantage là-dessus. Donc quand nous entendons telle chose, c'est que je vais à la maison, il m'en vais m'enfermer pour travailler, c'était un domaine. Peut-être que quand quelqu'un te salue n'importe comment, tu cherches toujours les moyens pour prendre de l'argent. Ça veut dire que votre cœur en train d'être exercé à la cupidité. Il faut faire attention. À un moment donné, ça t'amène sur un territoire où tu ne peux plus te retrouver. C'est cette cupidité-là qui a amené beaucoup de pasteurs comme ça. Comme la Bible le déclare. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé le ministère. Quand ils sont deux, trois, petit à petit, vous voyez, ils viennent saluer quelqu'un, ils prient pour toi, ils déposent le panier d'argent. Vous êtes seulement deux. Ils prient pour toi, ils déposent le panier d'argent. Il faut donner l'argent pour l'offrande ou l'exhortation. Je vous ai dit, raconter mon histoire. Vous savez, il y a des choses qui me choquent. L'histoire de l'agence m'a toujours choqué dès le départ. J'ai commencé à servir le Seigneur. Il y a un garçon qui venait me voir. Il y a une famille là-bas qui est possédée. On allait prier. J'ai dit, dis-leur donc d'être à jeûne. On va commencer vers 22h. On allait là-bas prier. On a dit, toute la famille, c'était le singe. Vous voyez comment chacun sautait comme ça, partout. C'est le singe. Quand on a commencé à prier, c'était le singe partout dans la maison. La maman fait dans la maison. C'est le singe qui était dans la famille. Quand on a fini, on a délivré. J'étais en train de rendre grâce à Dieu, j'étais au milieu. Si quelqu'un avait le don de disparaître, il disparaissait là-bas. Je me suis tourné et dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance de cette famille. J'entends derrière moi comme ça là. Donner le panier. Mon oreille d'abord fait comme ça, comme pour un chien. Qu'est-ce qui se passe derrière le panier de quoi? Nous sommes à 2h, 3h, parce qu'on a pris de 22h jusqu'à peut-être 4h. Nous sommes à 3h, presque 4h là. J'en ai dit, Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Quelque chose. Il y a un enfant qui a un problème ici dedans. Permettez-moi, non, il faut que j'arrête ici. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. En faisant ces choses, j'entends derrière moi le panier. Ils faisaient comme ça, chanter les chansons qu'ils ont de chanter. Il chantait Dieu en tapant la main. Mais ses verres étaient comme pour passer comme ça. Attendez, où sont mes lunettes là? Je mets. Je vais vous mettre comment il est. Chaque fois, et ma femme le connaît. Quand il passe chaque fois, il dit, oh, voilà, il est toujours avec le verre comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Donc, il me suis tourné comme ça. J'entends le panier. Il dit que, après, il sort cette parole que je n'ai jamais entendue. Il dit donner l'offrande pour la délivrance. Je ne pouvais plus me tourner là-bas. Je ne pouvais plus me tourner comme ça. L'offrande pour la délivrance. Mon corps a fait un genre. L'offrande pour la délivrance. Donc chaque esprit du Saint que j'ai chassé là-bas, ça se trouve derrière l'argent là. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fait ça, il a dit que bon, on est ensemble. Il est salué. Il a resté là-bas, il a collecté. Comme il n'était pas loin de la maison, je suis rentré, je me suis couché. Vers 10h, il va chez lui pour prendre le livre. Il dit que frère, voici ta part. Il dit, ma part quoi? Il dit, l'offrande d'hier soir, il était gardé ta part. Il dit, non, utilise pour le ministère. Il dit que non, pour le ministère, il n'y a pas de problème. Il dit, achète les bibles, donne aux gens. Il dit que non, j'ai déjà la Bible, il dit que donne à un orphelin. Ça ne peut pas caler dans mes mains. Vous voyez la cupidité, n'est-ce pas? Alors, plus tard maintenant, celui qui m'avait. Celui-là, il n'est pas en contact avec moi. Donc, c'est quelqu'un qui est proche de moi qui m'a dit qu'il y a un frère qui lui a dit qu'il y a un problème. Je suis parti. Donc, quand je venais y croire là, s'il y avait un démon quelque part, il fallait qu'il dégage. C'est maintenant quand il voit qu'ils sont venus vous là. Je vous laisse, ils vous traitent bien. Parce que c'est ce que ça fait. Donc, quand j'entendais des démons quelque part, rien souffrait, ma femme me connaissait, je la trimballais partout. J'ai dit qu'allons pas comme ça, on peut voir. Wow. Vous savez, quand au début du ministère, là, quand il n'y avait rien, mon pied était mince comme ça avec ma bouche, elle était aussi derrière moi. Tchouac, on marchait. On n'avait que pour on prie, quand on délivre les gens, mais sont par réflexe. Les gens commencent à faire comme ça. Là. Chercher de l'enveloppe. Quand je vois des gens comme ça, ils font comme ça, ils disent allez, traçons. On cherche l'enveloppe, on dit que c'est pour ton cabron. Cabron, j'ai la voiture. C'est pour dire que pour prendre un taxi. En venant, c'est toi qui appelle le taxi. On sort, on tape 1, 2, 1, 2. On marche des kilomètres, on rentre chez nous. Que l'argent là reste avec entre leurs mains. Ne faites pas de telles choses, vous qui voulez servir le Seigneur. Ne faites pas de tout, que ça ne s'attache pas à vous. Que ça ne s'attache pas à vous. D'accord? Que ça ne s'attache pas à vous. Laissez que Dieu vous appelle doucement. Qu'il vous donne ce qui est nécessaire pour vous. Sinon, vous allez hériter de la malédiction. Remarquez bien ce que Gehazi a eu. Ce n'est pas que Élisée refusait l'offrande. Il a dit, est-ce le temps de prendre? Il n'a pas discerné. Est-ce le temps de prendre? Remarquez que c'est Élisée va prendre les offrandes plus tard. Mais regardez ce que Gehazi a couru à le faire. La lèpre attachée sur lui à toute sa génération. Alors celui donc qui m'avait mis en contact avec le gars est venu plus tard me dit, bon, je ne peux pas citer le nom, il dit que celui-là, il m'énerve. Il dit, c'est quoi? Vous savez, comme je ne connaissais pas les relations, quand j'ai vu des choses, je me suis dit, gardez ça pour moi. Ça m'a choqué, j'ai gardé pour moi. Parce que je n'avais pas de relation avec lui. C'est celui qui m'a amené prier. Et c'est lui qui connaissait la maison, celui-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc celui qui m'avait amené, je ne lui ai rien dit parce qu'il ne connaissait pas les relations à deux. Je suis tranquille, mais ça m'a choqué. Alors lui-même, il court un de ses joueurs, il vient me voir, il dit que non, il m'énerve. Il dit, c'est quoi? Il dit comment quelqu'un peut aller au marché, commencer à demander le tapioca, la tomate, la sardine, le riz, etc. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, explique-moi. Il dit qu'il y a une femme qui a dit ce marché ne passe pas. Elle est entrée là, elle dit que madame. Elle dit que madame, tu vends où? La dame a dit qu'il vend au marché de Bouramoussa. Il dit que je viens là-bas. Quand elle est venue dans la boutique de la maman, elle s'est assise. Vous savez, c'est un gars bafan, ses pieds sont toujours derrière. Il est derrière comme ça. Il dit que tu vends quoi ici? Il dit que. Comme la caméra. Elle dit, tu vends quoi ici? Elle dit qu'il va un peu de partout. Elle dit, pour que ta marchandise si marche bien, cherche un sac vide ici. La femme croit que c'est pour une prière. Ah, vous parlez des pasteurs cupides. Il dit, ses vers sont toujours comme ça. C'est comme ça qu'il regarde. Il ne regarde pas trouver des vers comme ça. Il dit, cherche un sac vide. La femme cherche un sac vide. Il dit que prends un peu de tout, tu mets dedans. Donc le tapioca, le tout ce qu'elle vendait, il fallait qu'il y ait un représentant dans ce sac-là. N'est-ce pas la cupidité, frère? Alors c'est pour ça que celui-là avait encore venu se plaindre à moi. J'ai dit, c'est toi qui le connais. C'est toi qui l'as amené ici. L'argent qu'il a partagé l'autre soirée, elle dit que justement, ils ont failli bagarrer à cause de ça. Parce qu'il ne voulait pas que, pourquoi tu prends l'argent? Vous savez, des choses. Et tu dis, je lui ai dit, ok, celui-ci, il est devenu pasteur comment? Je suis allé chez lui, il dit qu'il a fait le cours par correspondance dans une école en Côte d'Ivoire. Chez lui, donc, il a fait un salon où il a mis son diplôme de théologie derrière. Diplôme de théologie qu'on a envoyé pour certifier qu'il a fait l'école de théologie pastorale. Voilà comment il va commencer. Il commence avec 2 personnes, 3, 4. Quand il va réunir 5 personnes, il va haranguer pour dire qu'on donne l'offrande. Tous les versets qui semblent parler de l'offrande de la Bible, il connaît, il maîtrise. Tous les versets, sans exception, qui semblent parler de l'offrande, même si ça parle de l'offrande, même si c'est l'offrande, même pour n'importe quoi, il connaît. Parce qu'il peut prendre sa torde pour aller faire quelque chose. La cupidité. La Bible donc dit que ces choses ne sont pas nommées parmi les croyants. D'accord? Ainsi, ne faites pas ces choses-là. C'est la malédiction qui s'attache derrière. Et la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est la racine là-bas. C'est le début. Tous les maux tournent autour là-bas. Vous allez voir un pasteur, pendant qu'il va ouvrir un endroit, il faut qu'il trouve un endroit qui est grand. Il faut que chercher les rideaux colorés parce qu'il a vu dans les télévisions que le modèle, ce qu'il y a, qui le rideau derrière le pupitre. Fait un pupitre en vitre. Il faut lui faire le pointinini. Parce que c'est le modèle qu'on a présenté. S'il savait que le vrai prédicateur s'habille avec le vêtement du Seigneur, donc c'est-à-dire qu'il est sur le vêtement de l'humilité, il aurait détourné ses regards de ce côté-là. Mais comme les gens aiment ce qui tape à l'œil, ils disent donc que c'est ça la gloire de Dieu. Il faut qu'on fasse parce que notre Dieu est glorieux. Ils croient qu'en construisant ce temple-là, ça va représenter la gloire de Dieu. Pourtant, aucune chose sur la terre ne peut représenter l'infinie gloire de notre Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je suis allé insister sur cette cupidité. Il dit, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, on ne doit pas être condamné avec le monde. On ne doit pas être condamné avec le monde. Il faut donc qu'on en soit nettoyé des choses que les mondains pratiquent. Si les choses que le monde pratique est en nous, il est temps qu'on nettoie. C'est pour ça qu'il utilise la corruption. Il donne le temps pour qu'on nettoie, pour qu'on participe à sa sainteté. D'accord? Verset 7. N'ayez donc. Voilà ce qui est écrit là-bas. N'ayez donc. N'ayez donc. Avec eux. Avec eux, et pour qui ici? Les fils de la rébellion. Donc ça veut dire qu'on n'est pas leur style de vie. Ne faites pas comme eux. C'est ce qu'on a dit là. N'est-ce pas, frère? Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants. Soulignez ça, s'il vous plaît. Donc, dans ta nouvelle démarche maintenant des relations avec le Seigneur dans la marche, souvenez-vous, comme je dis dans Colossiens 2, 6, nous devons marcher comme les enfants des lumières. Et si je lis dans ce verset, c'est la partie C du verset, la partie B du verset 8, il dit marcher comme des enfants des lumières. Je me pose la question, comment doivent marcher les enfants des lumières? Alors, on m'a dit qu'il ne prend pas aucune part. Donc, on a cité quelques œuvres que ceux-là pratiquent. Je dois vérifier si oui ou non j'ai ces œuvres. Si j'ai cela, je dois aller devant le Seigneur parce que c'est lui qui veut nettoyer cela. Vous suivez, n'est-ce pas? On avance. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Puis le verset 10 dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc chaque chose que je vais devoir faire, il faut que je place d'abord le Seigneur devant comme juste. Je prends d'abord le Seigneur devant comme juge. Je prends d'abord le Seigneur devant comme arbitre. Je prends le Seigneur Jésus devant comme mon Père. Pour qu'il prenne la décision qui est bonne. Vous suivez, frère? Ok. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, chaque œuvre que je vais faire, je vérifie 1. Ces œuvres-ci sont-elles les œuvres des ténèbres? Oui ou non? Si c'est une œuvre, est-ce que ça fructifie par rapport à la vie éternelle? Si c'est non, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Marchez, continuez votre chemin. Vous comprenez? Vous voyez effectivement que vous aurez du travail tous les jours de votre vie pour pouvoir garder votre sainteté. Tous les jours, parce que c'est au jour le jour que les mondes multiplient les choses pour pouvoir. Vous allez sortir là en voyant que vous dites, vous parlez d'Android, attendant une autre chose qui en est des soucis préparés. Grave, encore plus grave. Vous allez regarder au travers comme ça, pour que ça dessine votre forme. Ça arrive là. Vous dites, nous sommes en train de nous préserver à la sainteté. Au fur et à mesure qu'on est en train de parler de la sainteté ici, là, c'est pour ça que les versets lui sont mis là-bas de façon large, de telle enseigne que plus tard, quand il y a n'importe quoi, ça inclut dans ces versets. Donc nettoyons-nous chaque jour. D'accord? Maintenant, regardez. Allons au chapitre, le livre qui est tout suivant. Faisons vite là, on prie, parce que je sais que quand 18h arrive, ne mangez pas là, vos pieds commencent, bien sûr, commencent à sortir dans les paumes des mains. On avance. Regardez, nous sommes dans Philippiens, d'accord? Il dit le livre juste après, c'est le livre de Philippiens. Je ne sais pas si vous y êtes. Chapitre 1, regardez le verset 27. Il dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc notre marche doit être digne. Comme je l'ai dit ici autrement, soyons saints et méritons effectivement le nom dont notre Père nous a appelés, les saints. Donc l'apôtre Paul, mon grand frère, dit ici, marchez d'une manière digne de l'évangile. Il faut que quand je regarde l'évangile, je regarde que c'est mon reflet. Vous suivez, frère? Chapitre 2. Verset 12 d'abord. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. C'est-à-dire, vous devez monter de progrès en progrès dans la sainteté, pas au milieu des frères, pas parce que le prédicateur est là. Mais vous devez prendre votre vie spirituelle en personne, en main. Dites la sainte que ce n'est pas parce que quelqu'un est présent à côté de vous que vous allez faire comme si vous vivez bien. Mais vous devez travailler avec crainte et tremblement, sachant que ce n'est pas au prédicateur que vous le faites. c'est pour vous et vous allez rendre compte à Dieu pour cela. Dès où vous me suivez, on continue. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puis au verset 14, il dit quoi? Notez votre point, le murmure. Faites toutes choses sans murmure. Notez les murmures. Sur ce point, je vais m'attirer pour dire quelque chose. Je veux que vous acceptiez ceci. Même si vous n'acceptez pas, acceptez quand même. Que lorsque vous avez cru, tout ce qui vous appartient du plus petit au plus grand appartient désormais au Seigneur. Vous dites amen vraiment en croyant. Amen. Je vais recommencer ça pour que vous, peut-être vous avez cru autre chose. Je n'ai pas prophétisé que tout ce que vous allez maintenant c'est pour le Seigneur. Jésus dit ça. Il dit, lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que vous avez, du plus petit au plus grand, et tout ce que vous aurez plus tard appartient au Seigneur. Déjà que 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit que glorifiez donc le Seigneur, glorifiez Dieu avec votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si ton propre corps appartient à Dieu, à combien de raison c'est que tu as ce qui est devant toi. Vous y avez moi. Et donc, si ça appartient au Seigneur, il dispose et doit et peut disposer en effet cela comme il veut. C'est pour lui. N'est-ce pas, frère? Amen. Ok. Vous vous souvenez de Matthieu, de Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Vous voyez la réaction de ce garçon, celui qui était à la maison, qui était près du parent, qui n'était pas quitté avec les trucs, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pourquoi il pleurait, il pleurnichait à son père? Pourquoi, selon vous? Vous entendez ce qu'il dit là? Vous connaissez au moins l'histoire que j'en ai parlé. Il y a un enfant qui a pris ses biens, allait dilapider. Puis plus tard, il est retourné. L'autre est resté à la maison, il n'a jamais dilapidé. Il est lui honnête. Il entend un bruit quand il rentre des gens. La maison, tant, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit que c'est son père, ton frère est venu. Son père a tué un veau gras. Il se fâche, il dit qu'il n'entre pas dans la maison là aujourd'hui. Pourquoi il se fâche? C'est parce qu'il allait hériter de tout ça, son père étant déjà parti. Oui. Oui. Allons-y. Parce qu'on a pris un de ses veaux pour tuer à son frère. Non, mais il a dit pourquoi il est fâché. Oui, frère. Parce qu'il pensait que maintenant que son frère est parti avec ce qui lui appartenait, ce qui restait lui appartenait. Et par conséquent, maintenant, on a dilapidé encore ça. On a réduit. On va encore réduire. Ok. Qu'est-ce que son père lui a dit? Donc, en réalité, si vous voulez fêter, vous a tué le bœuf chaque jour, il devait tuer manger. C'était là, mais il ne voulait pas tuer. Quelqu'un vient, on tue, il se fâche lui. Donc, pour dire quoi? Remarquez très bien que le père a dit que tout le bien là, c'est pour toi. C'est pour qui? Tu penses que injustice, l'esprit rentre le champ, comme il rentre le champ là, il dit que serviteur, oui, tu as un mouton là où manger. Son père devait lui faire quelque chose, mais il ne savait pas tout simplement que les biens lui appartenaient. Et comme le père est l'administrateur des biens tant qu'il est là. Souvenez-vous, lui, celui-là, cet homme-là peut mourir, mais Dieu, lui, ne meurt. Il peut prendre donner à chaque enfant comme il le veut, parce que c'est bien aussi. Pas vrai? Alors, vous avez compris, donc, souvenez-vous encore, je vais encore recommencer ce que j'ai dit. En tant que chrétien, personne parmi nous n'est grand frère, l'autre est petit frère. Il n'y a pas de grande, voici ma grande soeur en Christ. Il y a seulement soeur. En je vais encore entendre ça. Il y a seulement soeur. En Christ. Donc, que tu aies 85 ans, l'autre a 7 ans, vous êtes les sœurs en Christ. Il n'y a pas grand-mère, parce que Dieu n'est pas un grand. Voilà. Donc, et par conséquent, nous sommes tous sœurs. Ok. Donc, si ce que tu as est pour Dieu, c'est pour mon père. Ce que tu as, c'est pour mon père. Ce qu'elle a, c'est pour mon père. Ce qu'elle a, c'est pour mon père. Ce qu'il a, c'est pour mon. Et vice-versa. Et par conséquent, il n'y a plus mon. J'espère que vous comprenez. Remarquez bien là où je suis arrêté. Faites toutes choses sans murmure. Parce qu'au milieu chrétien, il y a ces choses. Elle est venue chez moi, elle a cassé mon plat. Et elle accuse comme ça Jésus. Parce que c'est Jésus qui était chez elle pour manger. En glissant, le plat s'est cassé. En parlant d'un chrétien, nous admettons qu'on parle contre Christ. Tu peux avoir un autre Jésus. Tu lui dis que Jésus est venu chez moi casser mes plats. Tu te plains à qui? À Jésus. Tu te plains de qui? Jésus. Casser le plat de qui? Jésus. Chez qui? Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. verset 15. Afin que vous soyez irréprochables. Vous avez vu cela? Pour qu'on parvienne à l'étape d'irréprochabilité, il faut qu'on soit sans murmure. Les choses que dont vous riez, je vous sens de vous mettre ça profondément dans votre esprit, dans votre être, pour que vous compreniez. Il dit que faites toujours sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochable. Faites cela afin que vous soyez irréprochable. Parce que si on murmure, on sera réprochable. Quelque chose, Dieu va nous reprocher de quelque chose. Vous saisissez? Quand le Seigneur est au sol, en l'air là-bas, l'apôtre Paul quitte Jérusalem pour aller à Damas. C'est deux pays différents. Le Seigneur Jésus-Christ le frappe n'importe où il veut. Parce que c'est à lui qu'appartient toute la terre. Voici ça, donc on a dirigé. Pour aller dans un pays, il faut que tu montres, dis pourquoi tu pars dans le pays là. Alors que c'est pour nous, frère. On ne voit pas encore que c'est pour nous. Tu vas gouverner, pas vrai, frère? Mais avant que ces amen là arrive, il faut d'abord, il y a un problème ici à résoudre. On doit lutter pour ne pas gouverner ici, vraiment, pour gouverner plus tard. Donc si vous dites, je suis Dieu, il règne ici. Souvenez-vous. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Lorsque le septième an sonna la trompette, il entendait du ciel une voix qui disait, maintenant, le royaume de ce monde a été remis à Christ et à son Dieu. Donc, à ce moment-là, le royaume va entrer. Mais pour le moment, il a dit que vous n'êtes pas de ce royaume-ci. Parce que l'organisation céleste qui se trouve là-bas, qui congestionne cela, qui contrôle cela, vient du diable. Vous suivez, frère? Ne vous entendez pas comment on me fustige sur les antennes parce qu'il dit ces choses-là. Ils vont savoir de quoi il est question bientôt. On peut avancer. Je vais encore revenir sur les murmures. Qui murmure contre les frères ici et contre les sœurs? Il dit afin que. J'ai posé une question, j'attends la réponse. Je sens le lien en attendant, il ne veut pas vous regarder. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qui murmure? Puis il pose la question. Que Dieu vous bénisse. Si vous voyez là-dedans, rentrez, faites ce qu'il faut faire. Portant la parole de vie, et je. Vous m'entendez, il faut que je parle là. Non. Allons-y. Prenez Colossiens là. Allons-y rapidement devant. Nous allons toucher un point là avant de revenir. Puisque nous allons parler des examens de la méchanceté du cœur, d'accord? Regardons ici. Merci, Père. Chapitre 3 des Colossiens. Verset 12 à 16, rapidement. Je vais lire rapidement, puis je vais aller quelque part. Regardez. Nous sommes dans Colossiens, tout le monde y est. Faites attention, ne faites pas que. Vous, même si vous avez seulement le petit livre là, ça se trouve, donc vous avez intérêt à suivre là maintenant. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, vous avez vu le mot, et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous avez ça? De bonté, vous avez vu? D'humilité, vous avez vu? De douceur, vous avez vu? De patience. Si on fait le travail dans l'autre sens, les choses, ça, ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est qu'on doit extirper du cœur. C'est-à-dire ce qui doit sortir du cœur. Si on fait l'autre travail dans l'autre sens, ce qui doit être à l'intérieur du cœur, vous en aurez des tonnes. Mais un seul socle, à deux pieds, amène ces choses aussi. L'amour. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon amènent tout le reste ici. Vous suivez? Bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puis verset 13, écoutez. Supportez-vous les uns les autres. Regarde quelqu'un à côté de toi et tu vas répéter ce que je vais dire pour que ça reste bien dans votre tête carrée. Regarde quelqu'un bien. Dis frère. Frère. Tu sais qu'avant d'être mon frère, Dieu avait permis que je sois dans une famille bizarre. Une société bizarre m'a formé. J'ai donc les comportements bizarres. Supporte-moi. Tournez-vous de quelqu'un encore, une autre personne. Vérifiez si quelqu'un ne parle pas, touchez la personne parce que la personne vous regarde. Dis frère. Frère. Avant d'être ton frère. Dieu m'a fait grâce de tomber chez des styles de frères différents. Dieu m'a fait tomber chez des styles de frères différents. Dans une famille différente. Dans une famille différente. Moi, je suis surpris comme toi. Des comportements qu'il y a ici. Et ce que Dieu nous exige de faire. Et ce que Dieu nous exige de faire. Mais les mauvais comportements sont attachés à moi. Mais les mauvais comportements sont attachés à moi. J'irai vers Dieu pour qu'il change ça. J'irai vers Dieu pour qu'il change ça. Mais en attendant, supporte-moi. Supporte-moi. On avance. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, donc il y aura cela. Ceci vient du fait justement que nous sortons de plusieurs backgrounds différents. Vous sortez, vous êtes Boulou, l'autre est Betty, l'autre est de Kinshasa, l'autre est de Bouaké, l'autre est de Lingala, ainsi de suite. Vous asseyez là-bas. Chez l'autre, on ne salue pas quelqu'un comme ça d'un peu, on ne tend pas la main. Tu viens, tu tends la main. Dans sa tête, c'est que vraiment un insensé comme ça, ou bien un manque de respect. Pourtant, chez toi, c'est naturel. Dans chez eux, on dit que ceux qui ne tendent pas la main, on ne tend pas la main en premier. Or, ces choses-là, il va falloir les manier. Vous comprenez? Il dit, et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous avez vu cela? Il a dit, de même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Il t'a pardonné, tu étais sur la terre. Donc, quand tu étais coupable, il t'a pardonné. Quand tu étais coupable, il t'a pardonné. Oui, tu as fait tes choses, je te pardonne. C'est pour ça qu'il dit, pour que la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la longanimité, tout la tempérance, toutes ces choses-là viennent, le deux socles, l'amour et le pardon. Quand tu aimes, tu pardonnes facilement, les autres vont circuler. Tu n'auras pas la culpabilité contre quelqu'un, ni murmurer contre quelqu'un. Tu pourras rester à distance, dans le silence, priant pour la personne, même si la personne est mal n'importe comment, sachant que ce n'est pas la personne, parce que si tu considères que c'est la personne, tu as de lutter contre la chair. Tu as de lutter contre, et par conséquent, tu as perdu la bataille chrétienne. Elle exagère, non, la goutte d'eau qui avait débordé le bas. Tu as vu ce qu'elle a fait mon enfant? Non, on ne peut plus pardonner. On ne peut plus pardonner. Quand tu dis ça, tu as signé ton arrêt de pardon aussi en haut. Donc sache que depuis ce moment-là, tout ce que tu vas faire devant Dieu, il ne te pardonnera pas non. Même si tu restes une minute sans croire que le Seigneur te pardonne pour ceci. Il va falloir que tu enlèves d'abord ce que tu as fait. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Allons-y au verset 23 rapidement. Non, le verset 14 dit. Mais par-dessus toutes ces choses, tout ce qu'on a noté là, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Vous avez vu ça, hein? C'est là-bas. Donc ça va passer par l'amour. L'amour d'abord. L'amour. Lorsque vous avez identifié que j'aime Dieu. Ah bon, d'abord il pose la question. Il faut qu'il vienne. Parce qu'on peut dire comme ça que les gens sont les réaliens ici au milieu de nous. Qui aime le Seigneur Jésus? Il veut vérifier d'abord. Regardez les doigts. Il veut vérifier. Parce que quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Comment tu l'aimes? Dehors, qui aime le Seigneur Jésus? Celle-là regarde au mieux comme si elle ne comprend pas, il faut que si elle ne comprend pas. Donc celle-là n'aime pas le Seigneur, celle-là n'aime pas le Seigneur. Bon, ok, mais c'est donc vous tous aimez le Seigneur, c'est ça? Hormis les deux là. Maintenant, il dit, si vous aimez le Seigneur Jésus, vous devez, enfin la Bible nous enseigne que vous devez le discerner dans les croyants. Comment peux-tu dire que tu aimes celui que tu ne vois pas, quand tu n'aimes pas celui que tu vois, qui sont nés de lui? N'est-ce pas? Voici le plus produit donc du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, nous devons les aimer, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment au monde tu vas détester un croyant? Détester un chrétien jusqu'à dire que tu ne peux pas pardonner. Et tu dis que tu es dans le même groupe. Et ce groupe-là est né de l'amour. Ce groupe-là est né du pardon. Comment? Même si la personne a fait quoi? Sachez tout simplement qu'il est sous la coupe. Cette personne est sous la coupe de Satan. Sachez seulement, quand vous voyez un chrétien se dresse, une barrière, parce qu'il prend une position, Satan l'a absorbé. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit redresser, au contraire, les ennemis avec condescendance dans l'optique que Dieu lui donne la repentance et que revenu à leur bon sens, il se dégagerait des pièges de Satan. Donc Satan l'a piégé. Il a eu sans qu'il ne soit au courant. C'est pour ça qu'il faut être patient. Même s'il dit n'importe quoi, laissez-le rester tranquille. C'est pas normal si quelqu'un dit ces choses-là de toi. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas ouvrir la tête que terre, engloutis-les pour que les autres aient peur. Non. Il chasse les démons et ils disent Belzébuth. Lui, il ne dit absolument rien. Est-ce qu'il est Belzébuth? Alors, si on dit ça Belzébuth, est-ce que c'est le conseil? Il ne se fâche pas pour dire que je ne suis pas Belzébuth. Hein? Je ne suis pas Belzébuth. Fais attention, il veut vous banger. Hein? Non. Il reste tranquille avant dans son travail. copions son modèle. C'est pas parce qu'on a dit toi que tu as inventé que Frère Junior enseigne la semaine de serpent, que c'est si c'est un sataniste, qu'il va commencer à me justifier que non, c'est pas sataniste. Ce qu'ils disent, ils ont le plein droit de le dire. Le président de la République qui est là, s'il décide de donner 1 milliard à chacun, on va dire qu'il attendait depuis 30 ans pour venir donner ça aux gens. C'est ce que certaines personnes vont dire. D'autres personnes vont dire, tu penses que l'argent là est simple. D'autres vont dire que, comme il vieillit, il a peut-être demandé les gens là-bas. Il veut comme ça donner, comme ça, quelqu'un il mange, il meurt, il vit lui. Il ne prend pas cet argent, pas vrai? Pourtant, dans son cœur, il voudra faire la bonté pour te faire le saraka. Pas vrai, frère? Donc, même si tu fais du bien n'importe comment, quelqu'un va signer que c'est pas normal. Donc, par conséquent, on ne s'attaque pas sur ce que les gens vont dire. On s'attaque sur ce que Dieu, le Créateur, lui, il dit. Point final. Donc, faites attention. Discernons Christ dans l'autre. Si nous discernons Christ dans l'autre, nous allons aimer. Parce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, je t'aime, et que quelqu'un à côté de toi, tu as le problème avec cette personne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime, c'est pas comme ça que Seigneur, je t'aime, tu le cherches en haut que... Tu as vu comment les nuages se formaient? C'est comme si c'était le vêtement de Jésus. C'est pas comme ça. C'est pas avec ça qu'on voit, c'est ici. C'est ici qu'on peut porter à aller là-bas. Et si cette relation-là, ça passe d'abord comme ça. D'abord comme ça, vous devez ressentir les mêmes choses. Puisque c'est le même esprit d'amour que nous avons, le même esprit de foi que nous sommes censés avoir. Puisque nous croyons au même Père. C'est pour ça que nous avons dit ici qu'il n'y a pas de grand frère, de grand père en Christ. Il est Père, nous sommes ses enfants. N'est-ce pas? Si nous avons des problèmes, il nous a dit la façon dont on va résoudre cela. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, s'il y a un sujet qu'on puisse se plaindre, pardonnez-vous d'abord. Il ne dit pas que résolvez le problème, il dit pardonnez-vous. Donc le premier principe d'abord, c'est sachez que même si quelqu'un, c'est pas tel qui a tort, c'est pas ceci, pardonnez-vous d'abord. Dis à ton voisin que notre royaume à nous est régi et commandé par la loi de l'amour et le pardon. C'est en vertu de ce pardon et de l'amour dont Dieu nous a manifesté que nous pouvons entrer dans son royaume. Si ce n'était pas le cas, si nous n'avons pas pardonné, il restait resté en haut. Il dit que, mais fils, je vous aime. Hein? On dit que serait entré. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il envoie son fils mourir pour nous. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, avançons. Verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, verset 15 maintenant. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Formez un seul corps. Règne dans vos cœurs. Et soyez. Vous y êtes? Soyez. Ok. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc on va tronquer. On va. Changer toutes ces choses que vous avez notées là, la calomnie, les impuretés, les impuretés, les vols, toutes ces choses que vous avez notées là, on va tronquer cela en parole qui doit habiter abondamment. Pour que ça puisse habiter abondamment, il faut que nous absorbons aussi. Il faut qu'on absorbe. Donc, il ne faut pas que vous attendiez comme on fait, les gens font souvent les dimanches matin en partant, ils prennent les Bibles. Ils ne pas noter les versets qu'on a donné, ils lisent à la maison, après ils gardent les Bibles, ils attendent l'autre dimanche. C'est que vous allez vous tromper. Ici, ce n'est pas la religion. Ici, c'est l'enseignement de Christ pour vivre la vie de Christ au milieu d'une génération perverse et corrompue en attendant que ce Christ se manifeste pour nous prendre pour sa maison. Donc, si nous sommes là pour lire comme ça, c'est pour ça qu'il a dit que la parole habite abondamment parmi vous. La parole doit habiter abondamment parmi vous. Donc, il faut qu'il y ait l'excès des paroles. C'est la seule chose qui ne nuit pas. L'excès des paroles ne nuit pas. Ça sanctifie davantage. Maintenant, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Vous pouvez prendre des psaumes, je vous exhorte. Par des hymnes. Comme on peut chanter le cantique, vous avez entendu ce que le cantique a dit, comme les frères font souvent ici. C'est normal. Par des cantiques, par des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Donc souvenez-vous, si Dieu a tel chrétien que je ne te pardonne parce que vous avez fait ça au nom de... Hein? Donc, si Dieu a quelqu'un, ma soeur, je ne te pardonne pas, dit au nom de Jésus derrière, tu vois. Puisqu'on a dit, c'est quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de... Donc si ton frère vient chez toi, tu lui refuses la nourriture, tu dis, je te refuse ma nourriture au nom du Seigneur Jésus. Et tu vois ce que ça va faire dans ta vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma soeur, si tu entres dans ma cuisine, ne touche pas mon plat au nom du Seigneur. Ne bois pas mon eau qui est au frigo, là, ça va bientôt finir au nom du Seigneur. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors qu'on comprend effectivement que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Il nous laisse librement pour que nous en jouissons Il faut que nous soyons des bénédictions pour les autres. Et en plus de cela, lorsque nous sommes du groupe des chrétiens, nous comprenons encore davantage que nous avons intérêt à réformer notre vie spirituelle, notre destinée en donnant. Ça se fait en donnant. Notre vie spirituelle n'est pas faite en jeûnant et en se cachant. Non. Le secret, c'est de donner. C'est libérer de ce que Dieu a donné pour que ça puisse couler davantage. Vous comprenez? C'est le secret, il n'y a pas deux. Quelqu'un ne dit pas que quand tu as ton garde en banque, ça grandisse. Ça, c'est ce que les mondains disent. Dieu lui dit que donne seulement. Donne, donne. Souvenez-vous, j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Souvenez-vous de cela. Verset 23 et suivant maintenant. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Regardez-moi. Donc, on dit tout ce que je fais. Donc, je te refuse ça avec bon cœur au nom du. Hein? Non. Vous dites non maintenant là. Hein? Quand, c'est qui? Je suis fatigué. Je vais venir dormir. Il n'y a pas assez de place ici. Au nom du Seigneur. Mm-hmm. Je veux que vous méditez cela. Allez dans votre maison, dans votre panderie. Observez vos habits. Regardez combien vous en avez. Et regardez les soeurs et frères qui n'ont pas. Regardez vos chaussures. Regardez les vêtements, les sacs, les femmes. Regardez absolument. Dites que ça, j'étais en abondance au nom du Seigneur Jésus. J'ai refusé ces soeurs-là au nom du Seigneur Jésus de tout mon bon cœur, comme il a dit ici. Et mesurez-vous avec le Seigneur. Il dit ici, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il dit, Seigneur, il ne te donne pas ce sac, c'est comme pour les hommes-là. C'est la Bible-là. Hein, frère? On ne peut pas dire Amen aussi. Non, non. Même si on dit Amen, on ne dit pas, c'est quand même la Bible, pas vrai? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Qui sert Christ ici? Vous tous servez Christ? Regarde ton voisin, regarde ton voisin, dit Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Dans le livre de Matthieu chapitre 20, si vous lisez votre livre, Matthieu chapitre 20, verset 20 au verset 25, lorsque les fils des deux fils des Zébédée ont commencé à moucharder parce que leur mère avait dit, Seigneur, quand tu seras assis dans ton royaume, dans ton trône, fais en sorte que, s'il y a la lumière là-dedans, faites. Bon, je vais faire mieux d'arrêter rapidement. Il dit, quand tu seras assis dans ton règne, fais en sorte que celui-ci, mon fils-ci, puisse s'asseoir à gauche et l'autre s'asseoir à droite. Il a dit, c'est pas à moi de le faire. La Bible déclare qu'après nous avoir résolu ce problème-là, les 10 autres avaient été aigris contre les deux. Du fait que la maman est venue leur proposer. Vous savez comment les femmes sont là. Je crois que c'est la chose de Dieu, c'est la relation. Comme les catholiques disent maintenant qu'on va aller demander à Marie que Jésus lui il tarde trop. Quand sa mère va lui dire, il va vite faire. On croit qu'en venant dire comme ça, il va prendre. Jésus a dit que c'est réservé à qui de droit. Maintenant, les 10 ont été aigris contre cela. Jésus a dit que non, non, non, ça ne doit pas être ainsi au milieu de vous. Il a dit, si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il soit. Et si quelqu'un veut être premier, qu'il soit. L'esclave. Qui soit l'esclave des autres. Non, de tous. De tous. Encore. Si quelqu'un veut être le premier, qui soit l'esclave de tous. Voilà. Donc, devant Dieu, celui qui sait Dieu le plus est celui qui s'occupe les autres plus. Vous voyez comment on a renversé les choses au milieu chrétien aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas en étant assidu à l'église, en balayant le sol, en nettoyant l'église, qu'on est assidu, qu'on sait Christ. C'est une bonne œuvre, là. Vous comprenez? Mais servir Christ le Seigneur, c'est les personnes dont il est ciblé ici. Ce sont des personnes. Plus tu t'occupes des croyants, plus tu sais Christ. Il dit si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Donc, un grand serviteur de Dieu, c'est celui qui s'occupe des chrétiens. Ce n'est pas celui qui crèche trop, qui sort de la voiture. Là, les gardes du corps avec la limousine. Waouh! C'est un grand serviteur de Dieu. On ne voit pas comment Dieu l'a béni, il a donné le jet privé. Attendez que Dieu vienne en jugement, il donne sa part de jugement. Vous verrez d'où ça, le jet privé sortait. Je crois qu'il ferait mieux d'allumer dehors, là, n'est-ce pas? Il dit si quelqu'un veut être premier, qu'il soit esclave de tous. Qu'il soit esclave de tous. Vous avez vu la façon maintenant de servir Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas en sortant les quatre devises que tu es quoi ici, serviteur de Dieu, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Vous me suivez? C'est pas ça. Que viens dans mon bureau là-bas, à tel endroit, je suis un grand serviteur de Dieu. Tu demandes à n'importe qui là-bas le serviteur de Dieu qui habite ici. serviteur de Dieu par profession. Parce que tu sors, il y a la colle blanche ici là. Tu sors au port le matin, tu m'en vais en service. Mon bureau là-bas. C'est quoi? Dans la clinique spirituelle. Clinique spirituelle. Vous voyez les choses qu'on a créées pour ajouter l'espérance. La vie de Christ est simple comme ça. C'est une vie relationnelle. Parce que Dieu veut nous transformer en mettant en contact avec nous la relation d'amour entre les êtres qu'il a aimés. Et par conséquent, il nous transmet donc cette relation-là. C'est donc un ministère donc de réconciliation. Et quand ça réconcilie, ça lie les personnes. Quand ça lie les personnes, ça les pousse donc à vivre ensemble. Ils doivent vivre ensemble. Et quand on vit ensemble donc maintenant, les intérêts des uns et des autres sont mis de côté pour l'intérêt commun. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est la communauté donc chrétienne donc là-bas. Je vous défie seulement de lire les actes des apôtres, comment ils vivaient. Vous savez très bien que c'est vrai. Vous fuyez de ne pas lire. Mais c'est vrai quand même, frère, nous allons étudier les actes des apôtres. Vous êtes avec moi? Mm-hmm. Donc il dit, servez Christ le Seigneur. C'est ce qui est écrit, non? Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'exception de personne. Vous y êtes? Romains chapitre 12. Je ne sais pas si je suis déjà long là. Vous êtes fatigué? Romains chapitre 12. Les conducteurs, vous ne savez pas ce que Dieu a dit de vous. Vous ne savez pas ce qu'il a dit de vous. Vous êtes bénis tout simplement. Vous, les conducteurs, vous ne savez pas. Romains, le chapitre 12. On avance. Verset 9 et suivant. Que la charité soit sans hypocrisie. Notez dans votre cahier. Les points que vous notez tout à l'heure. Vous notez maintenant quoi? Vous notez quoi? Hypocrisie. Remarquez qu'on a de parler de ça au milieu chrétien. Hein? Remarquez que c'est au milieu chrétien qu'on a de parler de cela. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Vous avez vu cela? Hein? Oh, le frère qui avait dit qu'il n'aimait pas le frère Jimmy là. Frère Jimmy, viens, lève-toi, tu viens. Il dit par amour fraternel. Il dit par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Où est le frère là? Tu l'as identifié? Je suis devant toi. Ah. Tu es venu t'asseoir devant lui. Je n'ai pas dit que je ne l'aime pas. Non. Attendez, vous êtes témoin ici, n'est-ce pas, mes frères? Qu'est-ce qu'il avait dit le jour là? Il était debout, il lui a demandé est-ce que tu aimes le frère qui est à côté. Il l'a regardé comme ça là. Que je ne l'aime pas. C'est pas ce qu'elle avait dit. Non. Elle a rectifié. Non, je ne l'avais pas rectifié. J'ai dit je ne sais pas. Ok, maintenant, c'est bien. C'est bien comme tu dis même comme ça. Jusque-là, tu ne fuis pas. Regarde le voir. Tu l'aimes. Je l'aime. Hey, applaudissons pour le frère. Hein. Donc maintenant, quelque chose s'est passé. Il s'est avec ses études maintenant que tu l'aimes. Amen. Va t'asseoir. Et toi aussi, tu l'aimes. Hein? Regarde le voir, frère. Tu l'aimes vraiment. Il a le taxi, hein. Le taxi, il ne faut pas qu'il passe quelque part. Tu dis que frère, il dit, ah, je ne te connaissais pas, il ne savait pas qui tu étais. Parce qu'il passe 20 parce qu'il sait que les chrétiens ne payent pas. Va t'asseoir là-bas. Il dit, par amour fraternel, soyez plein d'affection. Oh frère, vous entendez la voix du Saint-Esprit parler ces choses ici, c'est doux sur le cœur. Il y a de quoi on doit haïr les chrétiens sur cette terre. Il y a de quoi. Il dit, comprenant ce style de verset, il y a de quoi on doit haïr les chrétiens. Parce que ça, on ne comprendra pas pourquoi quelqu'un peut te faire du mal. Tu ne remets pas, mais tu l'aimes. Quelqu'un va te dire que quelque chose ne va pas chez toi. On a sucé vos cerveaux. Votre secte là, on a déréglé. Effectivement, si on est déréglé, ça devient votre tête comme ça. Oui, on t'a robotisé pour que si quelqu'un fait du mal, tu aimes seulement. Amen. J'ai prié que le Seigneur Jésus-Christ emprisonne chacun de nous ici. Emprisonne vraiment. Qui nous emprisonne? Tu ne veux pas ça, frère? Si. Comment tu me regardes comme ça? Tu veux qu'il te laisse libre? Non. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 17, verset 22. Il dit que c'est un affranchi du monde. Tu fuis le monde, tu viens chez le Seigneur, tu es esclave. Si tu es libre dans le monde, tu veux chercher du Seigneur, il t'enchaîne seulement. Donc, vous montez ou descendez, soit vous êtes esclaves du monde, vous êtes esclaves au Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Donc, il dit ici, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, vous voyez que le normal, les gens qui devaient être vraiment travaillants, c'est pour ça que vous observez les premiers jours, vous voyez, ce sont ces choses ici, ce sont les messages ici. Ah, bah, enfin, vous qui venez chez moi, vous avez vu que je suis en face de chez les premiers jours. Donc, je reste voir la fenêtre, je les vois. Vous voyez des gens qui travaillent, ils ont des réunions de travail, ils ont des groupes de travail. Si ceux qui doivent balayer, viennent balayer, nettoyer, parce que le jardin, quand tu vois le jardin, tu crois que c'est le paradis là-bas, vrai, vrai. Si vous n'avez pas les saintes, vous n'avez pas résisté. Vous allez dire que non, Dieu est là-bas, tout est frais là-bas. Mais ce n'est pas comme ça. Je vais dire par rapport à leur sérieux. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ils sont sûrs qu'ils travaillent parce qu'ils vont hériter la terre. Ils ne savent pas que ce n'est pas comme ça qu'on hérite la terre. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Et puis il dit, encore. Tout à l'heure dans Colossiens chapitre 3, nous avons lu ça à l'instant. Servez Christ le Seigneur. On a lu ça. Ici, il dit, servez le Seigneur. Verset 12, réjouissez-vous en espérance. On va venir dans toutes ces choses-là. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous avez vu cela? Okay. Verset 13, vous allez noter ceci. Pourvoyez aux besoins, soulignez. Et exercez quoi? Complétez ça sur la liste et vous expliquez la façon que vous allez faire. Vous avez vraiment une méchanceté. Est-ce que d'abord, un, tu pourvoyais aux besoins des saints? Vous notez là-bas chicharrerie ou bien chichaderie, selon que vous voulez le langage français, pour que vous compreniez ce que vous avez dit. Notez chicharrerie envers des frères et sœurs. Souvenez-vous que si vous faites quelque chose à un saint, ou tu peux dire à l'autre que tu vois le frère là, l'habit qui est celui, c'est moi qui lui ai donné. Ça ne sert à rien. Tu ferais mieux d'aller récupérer ton habit. Et souvenez-vous que la Bible a dit qu'on fasse n'importe quoi comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Je vous ai raconté l'histoire de Martin, n'est-ce pas? De Martin qui a habillé Jésus. Je vous ai raconté son histoire. Laissez Dieu là vous attendre, vous aimez toutes les histoires. Il dit ici, verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Donc, un, vous avez noté là-bas, chichaderie, non? Manque d'hospitalité. Quand quelqu'un vient chez toi, tu fais tout pour que la personne parte. Même quand il sent l'œuf à la maison que tu as fait frire. Vous savez, l'œuf dit dans la maison, les odeurs. Tu fais tout pour qu'il parte. Que mon semoule qui est ici, c'est le dernier tas. Il ne faut pas qu'il mange cela. C'est une joie que de donner la nourriture à un chrétien. Et que tu restes même dans la famille. C'est une joie. C'est la Bible qui le dit. Si tu donnes ta propre subsistance, c'est pour que ce soit ta vie en dépend. Il dit que ta lumière poindra à l'horizon. Quand tu crieras, l'Éternel dira, me voici. Quand tu appelleras, dans Esaïe chapitre 58, là il a noté. Tu arrêtes seulement, tu dis, ouais, c'est le dernier, j'ai seulement un 5000 à dire. Si il prend ça, il ne sait pas comment il va faire demain. Il ne sait pas comment il va faire demain. Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même. Ma vie est un témoignage de ces choses-ci. Si je commence à parler là, c'est plein seulement, plein. Faites seulement confiance au Seigneur, faites ce qu'il a demandé de faire. Vous avez un dîme qui vous reste. Un frère dit, j'ai des problèmes. Donnez, si c'est le reste. C'est ce que la femme a fait dans celui de Luc, chapitre 21. Elle avait deux pièces d'argent qui lui manquaient pour rester, pour vivre. Elle allait au temple, elle a donné. Jésus a dit que cette femme-ci a fait. Jésus a donné le jugement. Cette femme-ci a donné plus que tout le monde. Et Jésus dit, comment frère? C'est deux pièces que tu as bien vu ce qu'elle avait dans ça dedans. Et Dieu peut dire, non, ce n'est pas la quantité. C'est la quantité qu'elle avait pour vivre. Elle a donné. Vous imaginez ce que cette femme-là a dû faire pour rentrer à la maison? Comment elle a fait pour rentrer? Ce qu'elle m'a fait pour vivre? Une femme qui est pauvre et puis veuve, comment elle a fait pour vivre ça? Vous imaginez ça, frère? Mais nous conservons en disant que non, non, non. Après, vous conservez, même la souris vient voler même l'argent. Là. Vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui a de vous traiter. Faisons attention. Galates chapitre 6 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il dit, faisons le bien à tous et surtout, la Bible dit surtout, aux frères qui sont dans la foi. Parce que si vous le refusez, c'est au milieu de nous que les frères doivent se sentir à l'aise. Ce n'est pas normal qu'un frère quitte l'étranger, vient ici, arrive, il dorme dans l'hôtel. Ce n'est pas normal. On doit les accueillir. On doit les mettre à l'aise. Quand vous lisez la Bible, vous voyez l'apôtre Paul arriver ici. La dernière fois, on a lu Agabus. On dit qu'on devait loger chez Philippe. Tout le monde logeait chez Philippe quand ils sont arrivés. Pas vrai? Mais quand les grands hommes de Dieu viennent ici, on dit qu'ils sont où? Non. Ils sont à l'hôtel Sawa. Tu ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a les gars du coin. Il faut qu'ils soient à l'hôtel Sawa pour aller dormir. Et il y a les chrétiens dans la ville. Pourquoi? Il faut que son lit soit spécial parce que c'est un homme de Dieu qui est spécial. Ouais. Non, c'est pas terrible ça. La Bible dit quand l'apôtre Paul, quand il est monté à Jérusalem, il a dormi chez qui? J'ai prié, pas vrai? Il dit que j'ai fait 15 jours chez lui. Je n'ai pas vu autre apôtre que l'autre ici. Quand il y a la conférence à Jérusalem, ils étaient chez Jacques. C'est chez Jacques qu'il habitait. N'est-ce pas? Voilà. Souvenez-vous, quand on parle, vous croyez peut-être qu'il y avait les hôtels là. Il y avait les hôtels parce que la Bible dit que quand Jésus est né, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. C'était occupé par les gens qui sont venus festoyer. Donc faisons attention. Remarquez, Actes des Apôtres, quand ils traversent quelque part, ils arrivent quelque part, ils se logent chez Lydie, ils logent chez tel frère, chez Iné. L'apôtre peut écrire que Gaius, mon hôte, vous salue. Donc c'est l'autre qui le salue. L'ancien, quand il arrive là-bas, il reçoit le frère. Vous avez compris, frère? Regarde encore quelqu'un. Dis tout à l'heure, tu as dit tout ce qui appartenait était pour le Seigneur. Même le chez toi. Même ton lit. C'est pour les frères. La Bible dit, c'est Christ le Seigneur. Il dit, vous voyez un chrétien aujourd'hui, il a une maison, 8 chambres dedans, il est seul dedans. Vous demandez quel style de Bible cette personne s'il lit. Il passe dans l'autre chambre le matin, il est sur la poussière. Il aime voir lui ça comme ça. La cupidité l'a envahi et l'a aveuglé. La cupidité. Ouais, un chrétien, aujourd'hui, il dit qu'il est où? Il dit que non. J'ai vu tes champs là-bas, il faut que j'achète ça. Tu dis qu'allons prier, il dit que non, quelqu'un va risquer de prendre ce terrain-là. Il finit de prendre, quand il prend ça, il y a un autre par là-bas. Yeah. C'est bien situé, il faut qu'on prenne ça bientôt. La route va passer par là-bas, ça va développer. Yeah. Après, tu entends, yeah. Et la Bible dit que maudit celui qui ajoute champ sur dans ce champ. S'il fait comme ça pour le frère, c'est encore très bien. C'est encore. Après, comme ça, il dit que ma soeur vient. Dieu m'a mis après, je te donne tes champs, tu donnes comme ça. Bam. Quelle bonté va circuler là? Quelle bonté. Imagine, on dit que quelqu'un a vendu son champ, porte, personne ne le force. Il porte l'argent, il dépose là-bas. Que vous déposez, que tu distribues à ceux qui vont. C'est le défi que pour vous maintenant. Que Seigneur envoie le Saint-Esprit comme tu as envoyé sur les apôtres. Votre Saint-Esprit va venir. Même il va dire que donner, vous a dit que Saint-Esprit, c'est pas toi qui me parle. C'est pas toi qui me parle. Que je rejette cette voix-ci au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donc vous allez rejeter l'amour, la loi de l'amour, par l'esprit de l'amour au nom de Dieu. Faisons attention. Quand je suis en train souvenez-vous, je vous avais dit une fois, quand il dit chaque fois que quand nous rêvons tous les rêves que nous faisons, c'est parce qu'il y a le pot qui nous poursuit, nous rions. Nous sommes de sortir encore quelque chose, nous sommes en train de rire. Le moment arrive. Ça arrive. Continuons-nous ici là. Continuons à rire. Pour voyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Vous avez noté? C'est un ordre ici, ou bien c'est facultatif? Donc si on désobéit d'accueillir les gens, on a fait quoi? C'est pour ça qu'on a commencé à imiter les mondes. Quand ils font les barrières, ils lèvent comme ça, pour que les chrétiens ne voient pas ce qui se passe là-bas. Les chrétiens aussi font aussi, ils lèvent la barrière. Alors que les barrières des chrétiens sont des anges. Parce qu'on ne veut pas ce qu'ils veulent voir. On fait la barrière que personne n'entre ici. C'est ma limite ici. C'est ma terre. Faisons attention. Faisons attention que cette barrière physique que nous avons faite sur notre enclos ne soit sur notre cœur contre les frères. Que cette barrière physique reste physique seulement. Que les barrières physiques qu'on a faites sur les maisons restent seulement physiques. Que ça ne soit pas interdit aux frères et sœurs d'entrer. Sinon, nous sommes mal barrés. Vous devez ouvrir votre maison. Donc maintenant, regardez-vous les uns les autres. Qui, les quartiers, où vous êtes quartier. Vous marchez, vous arrivez à Bepanda. Si vous êtes fatigué, souvenez-vous de ce frère-ci, il habite à Bepanda, celui-ci. Même toi aussi. Hein? Il n'est pas à Bepanda. Il habite à Bepanda, n'importe où. Même s'il appelle, si vous avez le téléphone, on peut mentir. Il est obligé. Dans une prison, on a dit qu'un mensonge, on a noté là-bas, il va traiter ça. Il ne peut pas être à Bepanda, il dit que non, je suis sorti, frère. Vous comprenez? Si vous tournez, vous avez marqué, vous êtes fatigué. Vous connaissez ici, non? Il y a des places ici, venez dormir ici. Toqué. Okay. Si tu dis que c'est qui? Tu dis que maman, c'est ton fruit. ton frère en Christ, il dit tel, il dit ah, oh, adjoumé, parle bassin, vous parlez le langage de Christ. Alléluia. Mm-hmm. Moi, je suis en brousse là-bas, hors de la ville. Donc, si vous voulez dépasser, tasser pour arriver, dépasser, vous arrivez. Voilà. Et Romains chapitre 12. Bénissez ceux qui vous. Bénissez, c'est verset 14 là, chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous. Bénissez et ne maudissez pas. Vous avez entendu? Réjouissez-vous avec ceux qui se. Pleurez avec ceux qui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour rechercher ce qui est bien devant. Devant. Vous avez entendu, frère? C'est les règles simples comme ça. Voici les choses qu'on doit enseigner dans le haut milieu chrétien. Les gens sont seulement pour dire que vous savez que vous êtes les rois, vous passez toute une soirée, je vous ai le roi, je suis roi. Si tu comprends ta position, frère, si tu comprends ta position, soeur, comprends ta position. Tu comprends ta position, qui t'a positionné là-bas? Il va nettoyer, il va me positionner, tu vas me positionner. On te dit que aime ton frère, tu vas que je ne suis plus là, il m'a narré, il m'a positionné. Faisons attention. Faisons attention. Vous devez vous connaître les uns les autres. Connaître là où vous habitez les uns les autres. C'est-à-dire que tu passes, tu visites. Je dis, c'est Actes des Apôtres qui nous montre cela. Quand les frères arrivaient dans une ville, ils logeaient chez les frères. Ils finissaient, c'est les frères là-même qui apportaient les accompagnements en bord de mer. Ils priaient en bord de mer. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? Quand quelqu'un vient vous dire que le frère là vient ici, vous savez que le frère s'il mange trop, il va finir de mourir avant de partir. Et tu parles comme ça contre de Jésus. Dans l'autre partie de Jésus, il a mangé trop. Il n'y a pas de problème. Chapitre 13. On lit quelques versets dans le chapitre 13 et puis on rentre au chapitre 12 et on conclut. Donc nous sommes en train d'essayer de voir dans le cœur pour nettoyer les choses comme, qui sont considérées comme la méchanceté dans notre cœur, n'est-ce pas? Chapitre 13, verset 11 suivant. Verset 10 et suivant. Chapitre 13, verset 10 et suivant. L'amour ne fait point le mal au prochain. Vous avez vu cela? Non. Il ne déteste pas le frère, il ne déteste pas le frère. L'amour ne fait pas un point de mal au prochain. Quand vous fermez votre porte à un chrétien, vous pensez quand il voit, quand il parle, il rentre, il pense quoi? Il a mal ou il n'a pas mal? Et quand après tu vas dire que tu aimes ton prochain, non? Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Il y a des chrétiens quand les rejettent comme ça, ils n'ont pas de là où aller. Ils arrivent chez les chrétiens, ils sont plus déçus que chez les mondains. Alors que c'est chez nous, les chrétiens, qu'on devrait voir l'expression de l'amour. C'est pour ça que Dieu a dit que si ta famille te rejette, il va te donner des familles. Où est-ce qu'il va donner des familles? Parce que nous appelons frères ici, nonobstant notre origine ethnique, notre origine nationale. Il n'y a pas de barrière nationale pour les chrétiens. C'est pour ça que quelqu'un qui est coréen, romain, italien, espagnol ou quoi que ce soit, allemand, quoi, quand il est chrétien, un point, un trait, ça règle le problème. On n'a pas besoin de visa pour s'en parler. On a un langage commun, la Bible. Si c'est traduit en allemand, c'est écrit amour là-bas. Ce qu'on dit amour là-bas, quand il va dire, il va comprendre, même chose que je suis en train de comprendre. Vous suivez ça, frère? Donc, le langage chrétien, c'est le langage de l'amour. Il dit, dans ce verset d'ici, il dit, l'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On y va? Amen. Puis il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, sachant le temps que nous sommes, vous ferez mieux de vous aimer rapidement. C'est ce que l'André dit, non? C'est l'heure de vous réveiller. Donc, si vous ne vous aimiez pas les uns les autres, vous ne pratiquez pas l'amour, c'est maintenant de vous réveiller. Réveiller, il faut pratiquer l'amour. Maintenant, l'heure est arrivée de pratiquer l'amour. Vous entendez les dames? Tu connais la maison de maman, si? Tu connais sa maison, moi? Tu connais sa maison? Je ne connais pas. Donc, elle est même chez elle, comme ça, on ne connaît même pas la maison. Bon, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Lorsque nous allons finir ceci, prenez du temps pour parler entre vous de vos endroits où vous habitez. Parlez entre vous, d'accord? Parlez entre vous de là où vous habitez. Présentez-vous. On ne va pas quelqu'un à l'autre fait. Vous savez, le frère Jimmy, quand il voit un chrétien, il appuie encore sur l'ancienneté et file. Bon, c'est pas comme ça qu'il est, c'est un conducteur. Suivez-le. Il a intérêt à être exemplaire, même au volant. Parce que le bensin n'est pas comme ça. On va dire, ta mère, Seigneur, pardon, mais il ne veut pas dire ça, mais il a exagéré. Je ne voulais pas dire ça, mais les benzinés, toi, Seigneur, tu sais que les benzinés sont têtus. Ils passent à droite, ils passent à gauche. Voilà. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Le verset dit quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres et revêtons les armes. Nous n'avons pas de choses à faire en attendant, puisque c'est le jour qui approche. Le travail qui est à faire, c'est ce qui est donné là. C'est ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Le but, c'est le dépouillement des œuvres des ténèbres. Il faut qu'on vérifie dans nos vies s'il y a des tâches des ténèbres. On enlève. Et puis, on révèle les âmes de lumière. D'accord, frère? Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, virgule, des livrogneries, virgule, de la luxure, souligné. De l'impudicité. On avait noté l'impudicité, n'est-ce pas? Des querelles et des jalousies. Donc, on notait luxure, querelle, jalousie. Verset 14 enfin. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. Notez. Convoitise charnelle. On y va. Vous avez noté luxueux, n'est-ce pas? Querelle, jalousie. Convoitise charnelle. Vous avez noté? Entre verset 12. Chapitre 12, pardon. Tout à l'heure, quand nous lisions Éphésiens chapitre 5, au verset 1, nous avons lu un verset qui dit que nous allons revenir pour la prière. Nous y sommes maintenant. Dans ce chapitre 5 d'Éphésiens, au verset 1, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même comme un sacrifice agréable, bon, de bon odeur à Dieu, n'est-ce pas? Et on dit qu'on devient ainsi. Remarquez que le corps de Christ, son corps physique, pas notre corps mystique dont nous sommes, son corps physique était agréable en vertu du fait que ça ne contenait pas de péché. Donc, il a marché dignement devant le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, la Bible nous dit donc qu'on marche comme lui. Et on dit qu'il s'est offert lui-même comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Maintenant, regardons verset 1 du chapitre 12. Regardez. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Ce qui sera de votre part un culte. Oui, effectivement, exactement comme le Seigneur Jésus a fait. Donc, je vous explique d'abord le principe de la prière. Nous avons convenu ici que tout ce que nous avons, comme nous disons croyants, vient de qui? Et c'est pour qui? Maintenant, ce que nous sommes en train d'examiner ce soir par rapport à notre cœur montre clairement que nous avons quitté le terrain et nous avons revêtu ces choses qui ne viennent pas de lui. Donc nous devons nous offrir maintenant. Il dit, je vous exhorte à vous offrir. Donc donnez-vous vous-même, comme on a vu la dernière fois. On va offrir notre corps. Offrir son corps à Dieu, ça veut dire maintenant qu'on perd le droit légal. On est d'accord? Vous suivez ce que je viens de dire? Offrir son corps, ça veut dire qu'on perd le droit légal. Si on perd le droit légal, ça veut dire que désormais, c'est ce qu'il dit de nous qui doit être fait parce que nous pensons. Mesurez bien le prix avant de prier. D'abord, même si vous ne priez pas, vous êtes dedans. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sacrifice vivant. Comment se fait-il que c'est un sacrifice qui est vivant? Nous sommes en train de marcher là maintenant. Il faut qu'on offre cela à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte qui est raisonnable devant Dieu consiste à offrir notre corps dignement devant le Seigneur. D'accord? Donc, hormis cet examen, si vous allez faire à la maison, ce que vous avez noté par rapport à l'intérieur que vous allez présenter au Seigneur, nous allons prier ce soir pour soumettre notre être, corps, âme et esprit au Seigneur, sous son contrôle à lui, pour qu'il soit Seigneur sur tous les trois niveaux de l'être, corps, âme et esprit, en disant que qu'il soit Seigneur, que nous n'ayons plus de droits. D'accord, frère? Amen. Frère Achille, l'assemblée est pour toi. Que Dieu te bénisse.